Bon, alors, bonjour, bonsoir. Bonsoir plutôt. Bonsoir, oui. Oh, bonjour. On est presque le matin là. Ouais, il est juste 4h55. Nous sommes un petit peu fatigués. Oui, un petit peu. Rebonjour pour ceux qui écouteront le BGS numéro 5. Oui, maintenant je ne sais pas si ça sortira en même temps ou de la même manière. On début de soirée, mais bon, là il est 5h du matin. Ouais, donc pour les gens qui ne savent pas, on a enregistré en début de soirée le BGS numéro 5. On a regardé le Super Bowl et maintenant qu'il est 5h du matin, on va dire, hein, on commence l'enregistrement du premier hors-série. Ouais, et comme c'est un hors-série sur le football américain, bah... On trouvait que c'était pas mal de le faire après le Super Bowl. Voilà, on voyait. Et en gros, vous avez deux qui sont complètement défoncés et moi qui suis en forme. Non, moi, parce moi, qu'il ça s'est va. Levé à 16h. Moi, je suis encore. Non, il était 19h30. Hein, 19h30, ouais. Mais j'ai dormi 4h. Je reste aware, moi. T'es aware. Monsieur Chauve l'est un petit peu moins, mais moi, je suis encore aware. Oui, on a failli ne pas enregistrer. Je serais bien dans mon lit. La faute de qui, on se demande. Mais il vient de le dire, non. Voilà. Bon, alors, de quoi va-t-on parler ? Peut-être un petit rappel. Vas-y. Au début. Genre de comment ça se passe. Tout commence non, à je en, ne parle en pas, 1883. Je ne parle pas de règles, je parle simplement lorsque du John fait... Lorsque John D. Shaw décida de fonder la banque. Je parlais simplement du fait de clarifier que le foot américain, c'était pas... Shaw venait en 1960 à Angers. Mais ferme ta gueule. C'était pas un sport de brut sauvage... On laisse la musique pendant que tu présentes. Chauve vais mettre de son podcast, il fait comme il a envie. S'il a envie d'un fond sonore. Il a envie d'un fond sonore. Ok. Bref. Les gens n'ont aucun à nous dire si ça les dérange. Ouais, de toute façon, les gens les ont bien. C'est-à-dire, tu te fais de nouveaux amis tous les jours, Chauve. Ouais, je m'en fous. Bon. Bref, simplement pour rappeler que apprendre aux gens que le foot américain, c'est pas un gros sport de sauvage qui cherche uniquement à se tuer. Mais que c'est avant tout sport tactique. Sport très tactique. Il le comparait aux échecs hein, tout à l'heure. Ce qui est bon, ça, un petit peu. C'est un peu exagéré, mais au niveau c'est tactique, plus proche c'est. Des échecs que du soccer. Ouais. Ouais. Le soccer, c'est de la merde, rappelons-le. Sport de tempête. Donc on va pas passer des heures à vous expliquer les règles, etc. Un bref rappel peut quand même être le bienvenu, je pense. Non, bah simplement savoir que c'est un sport de gagne-terrain, quoi. Mais... En gros, l'équipe qui attaque a quelques tentatives, 4 exactement, pour progresser de 10 yards. Si elle y arrive, elle reprend ainsi de suite. Si elle n'y arrive pas, elle rend le ballon à l'adversaire. Bon, c'est le très très gros résumé. C'est le béaba. Maintenant, en suivant, même sans se faire expliquer, en suivant 3 ou 4 matchs attentivement, les règles, on les assimile vite. Quoi. C'est beaucoup plus simple que ce qu'elle a pu faire. Même notre cher Kirby a réussi à comprendre. Mais Kirby, oui, Kirby avec il avait une certaines bases. Quoi, mais, une petite, mais une base quand même. Ces questions étaient assez pertinentes. Ouais. À part le. Oui, sur la fin, mais je fatiguais à ce moment-là. J'ai la passe incomplète à 20 mètres en avant. La non. Passe incomplète qui sort du terrain, est-ce qu'elle t'amène non, là-bas non. Mais sinon, le reste des questions étaient. J'étais très fatigué. J'ai eu un coup de barre à ce moment-là, on va dire. Non, mais non, sinon, ça. Sinon, je trouve qu'il a bien. Ouais, ça a été. Voilà, bref. Et... Ça t'a plu comme match, au fait ? Tout à fait, oui. Oui, franchement. Mais j'aime bien regarder. Je ne suis pas... Je n'ai pas trouvé que c'était un très très grand match, personnellement. Non, mais c'est des équipes un peu défensives. Enfin, style Leicester, c'est une équipe tellement défensive. Il y avait quand même pas mal de suspense, quoi. Ouais. Première mi-temps, je me suis dit que ça allait être une grosse torche, et puis ils sont bien revenus. Et il y avait des plays de Rodgers qui étaient quand même fort sympas. Ah. Comme d'habitude. Bon, et sinon, peut-être pour... Juste une précision pour nos auditeurs quand même néophytes, que tu as expliqué le B.A.B.A. je vais dire de la progression sur le terrain, après au niveau des points, comment ça se passe de... Ben un essai on va dire comme rugby, un touchdown ça vaut 6 points plus la transformation au pied après qui est quasiment automatique, qui en vaut 1 donc ça en vaut 7 généralement, non 9 fois sur 30. Parce qu'il la rate très rarement. Ouais c'est très rarement raté. Sinon, le field goal qui est utilisé. Voilà, transformation à 2 points. Oui, ouais. ça peut être à 1 ou 2 points. Voilà, mais... c'est beaucoup plus rare la transformation à 2 points. Sinon, t'as le field goal qui est un coup de pied placé pour. Quand tu n'as plus assez de tentatives pour. pour essayer de marquer un touchdown, ça rapporte 3 points. Sinon, il y a le safety qui rapporte 2 points. Mais ça, on va peut-être c'est pas clair. Prendre la peine de l'expliquer. Voilà, mais non, mais donc, grosso modo, pour ceux qui ne connaissaient pas du tout les règles, mais qui la plupart des gens vont quand même se casser. C'est touchdown. Un peu comme rugby, je pense que rugby, voilà. C'est 6 points. Le touchdown vaut 6 points. Et après, ils ont droit à un essai au pied qui peut rapporter 1 ou 2 points. Ouais, mais... Je suis pas trop le rugby. Voilà, c'est pour résumer très sommairement pour les néophytes. Parce que... Donc voilà. Pour ceux qui aiment bien l'animation japonaise et qui veulent un peu savoir plus sur les règles, on en parlera tantôt, mais allez voir, jeter un coup d'œil du côté d'Achille 21. Ouais, bah c'est justement une série qui a amené beaucoup de gens à s'intéresser. Qui, franchement, là, et qui. Je pense que d'ailleurs, toi aussi, je trouve que ça t'a un peu. Non oui, c'était une des règles. Enfin, c'était un. À la base. C'est en partie en lisant ça que j'ai eu envie de m'intéresser de plus près. Ah oui, ça existe aussi en manga, oui, moi je parle d'animation parce que je l'ai vu. Ah l'animation, non, mais... je l'ai vu, mais bien après, ça m'a pas plu. Ouais, non, non, moi je l'ai en animé. Donc, ouais. Bon, sinon, pourquoi faire un hors-série, le premier qui plus est, d'un podcast de geek sur le foot américain? Mais c'est parce que... Parce qu'on aime ça, tout simplement, on se limite finalement pas qu'au sujet geek non plus. On peut très bien parler de choses qui nous... Oui, aussi, mais c'est parce qu'il y a beaucoup aussi de choses plein peuvent de... être considérées comme geeks à partir du moment où on est passionné. Ouais. Mais c'est aussi parce qu'il y a plein de geekeries qui sont en rapport avec ce sport. Enfin, par geekerie, j'entends... Oui, de produits dérivés, en somme. Enfin, de... Non, pas de produits dérivés, mais de... Je ne sais pas exprimer. De produits culturels, si tu veux, en rapport donc niveau cinéma, niveau jeux vidéo, etc. C'est quand même... Il y a quand même plus de sorties... En rapport avec ce sport qu'on croit, donc j'ai trouvé que c'était intéressant d'en parler. Et... Voilà. En gros, oui, bon, il est 5h du matin, hein, donc on excusera le manque de fluidité, mais... C'est pas grave, au moins on peut reconnaître à chaud d'avoir relevé le défi de commenter un podcast à ces heures très tardives. Malgré ça, certes. Sa forme croissante. Tu veux un peu parler de la structure ou tu veux directement passer sur... Niveau structure, ça va être simple, quoi. Donc, il y aura un sujet... La structure de la NFL. Ah, la structure Ne parlez pas de la structure du podcast, elle aurait parlé en off-handeur de l'enregistrement, on avait. Bah non, mais... la structure, qu'est-ce que... Le fait qu'elle soit séparée en deux divisions. Oui, la NFL, c'est 32 équipes qui sont divisées en deux conférences. De 16, de 16 équipes. Dans ces deux conférences, il y a 4 divisions de 4 équipes. Les 6 premières équipes de chaque conférence se qualifient pour les playoffs. Deux playoffs de chaque côté. Quoi. Et les deux grands vainqueurs se trouvent au Super Bowl. Quoi. Ce sont rien de regarder. Tout à l'heure. C'est une saison assez courte, ça fait. Ouais, septembre. Je me pose une question, je vais comprendre quelque chose. Avant le Super Bowl, ces deux équipes ne se rencontrent pas de toute la saison. Bah peut-être. Ça peut arriver. Si, des matchs d'exhibition, non. Si le calendrier a été tiré comme ça, ils peuvent se rencontrer éventuellement en saison régulière. Mais ils ne se rencontreront jamais en playoff. D'accord. Avant. Parce que les playoffs, c'est pas comme en NBA où t'es premier à 4. Playoff, c'est un match et. C'est ça qui fait aussi l'intérêt du... C'est qui t'as parfois des upsets, comme ils appellent ça, donc des outsiders qui tapent des gros favoris parce qu'ils sont justement super forts sur un seul match. Que en NBA, par exemple, où t'as le numéro 1 qui joue contre le numéro 8, si c'est le premier qui a gagné 4 victoires, il y a relativement peu de chances que l'outsider gagne, quoi. C'est ça qui donne un peu plus de suspense aussi et d'intérêt aux playoffs, je trouve, en NFL. Sinon, Stetson, si tu as quelque chose à ajouter, je ne sais pas. Sur la NFL en elle-même, non, c'est fort différent, mais c'est aller en plus de détails, mais leur système de draft, de salary cap et tout ça est beaucoup mieux organisé que... C'est ce qui fait l'intérêt de la ligue aussi, si tu peux expliquer la draft. Voilà, expliquer la draft. Bah, c'est pas compliqué, vous me l'avez expliqué tout à l'heure. Bah, du fait que le collège, le foot sport universitaire est très développé, chaque saison, à Hawaï aussi. Enfin, aux États-Unis. Parce que la majorité des sports universitaires, c'est pas des foudres de guerre non plus. Bah, il y a quand même quelques joueurs à Hawaï. Enfin bon, ouais, donc le draft. Bah ça commence, on peut même dire que ça commence en high school. Les joueurs sont suivis pendant vraiment toute leur jeunesse. Et puis, ben. Le fait du draft fait qu'il y a un roulement dans les équipes de NFL, vu que la pire équipe de la saison, entre guillemets. Ouais, en gros. Vas-y. Non, c'est ce qu'il me semblait que tu. Non, j'ai. Partais déjà. Bah, pour moi, en gros, chaque année, il y a un repêchage de joueurs universitaires qui se déroule. Donc, chaque équipe a le droit de sélectionner un joueur universitaire, chacune à leur tour, et chaque équipe a 6 tours, donc il y a 6 tours de 32 et 32 choix par tour. Et l'intérêt de la chose réside dans le fait que c'est toujours l'équipe professionnelle la moins bien classée de la saison précédente qui obtient le premier tour. Donc s'il y a une grosse star universitaire qui est disponible pour la draft, elle va probablement se retrouver dans une des équipes qui ont été les moins bien classés l'année précédente, ce qui va permettre à ces équipes de se développer par la suite. De reconstruire une équipe autour de ce joueur. Et parfois, 5 ans plus tard, on voit une équipe atroce devenir championne parce qu'elle s'est reconstruite grâce à la draft. Après, il y a quelques équipes. Ça fait un roulement dans les bonnes équipes. C'est ça qui rend le sport assez intéressant que dans le foot où tu as Manchester, Barcelone, l'AC Milan qui gagne la Coupe d'Europe tous les ans. Le standard de Dieu. Une équipe comme Chelsea qui arrive à claquer 58 millions pour un joueur. Ouais, voilà. C'est impossible pour un homme. Il n'y a pas ça en NFL. Il y a déjà le salary cap fait que tu peux pas avoir une tonne de joueurs stars. Ouais, une limite salariale. Ouais. C'est les deux principaux intérêts pour moi. Après, il y a des équipes qui restent mauvaises en général pendant très longtemps, mais c'est dû à des mauvais choix de draft. Mauvaise gestion. Mauvais coach, etc. En gros, voilà, maintenant, au niveau des règles du sport en lui-même, moi je vous invite à regarder un match par vous-même, vous apprendrez bien plus vite qu'en écoutant trois glandus dans un podcast. Ouais. Et si vous voulez apprendre les tactiques, le mieux c'est encore de jouer. Ouais, tactique c'est encore quand t'as bien assimilé les règles. Ouais. Bref, on va peut-être commencer parce que l'intro est déjà bien entamée, je pense. Wow, ça va encore. Alors, on n'est pas encore à 20 minutes. Une intro. C'est ça quoi. Comme premier sujet, j'avais sélectionné le côté cinéma du foot américain. Donc, il y a pas mal de films quand même sur le sujet. Je ne sais pas si vous en connaissez. Si, tout à fait. Notamment l'enfer. Non. Excusez-moi, il est 5h du matin. J'ai mon droit aussi à. Non, mais l'excuse pour rien, quoi. Voilà. Vas-y, parle alors si t'es si fort, toi. Vas-y. Je vais te voler ton film. Any Given Sunday. Voilà, et l'enfer du dimanche en français. Watson. C'est un de mes favoris. Personnellement, je dis pas que c'est très proche de la NFL, hein, mais il est moi, justement, je le trouve très proche de la NFL. Pas forcément du foot en lui-même, mais de la NFL. Mais bon, je développerai ça plus tard. Personnellement, c'est vraiment celui qui m'a. Qui m'a plu, c'est vraiment. Il y a. Il y a Friday Night Lights, le film. Oui, il y a un film à la base. Ouais. À la base, c'est un bouquin, puis un film. Oui, la série. Et j'avais vu un film, j'étais plus le titre exact. Blue Mountain State. Ouais. C'est une série qui passe sur MTV, c'est de la boue. J'en parlerai, j'en toucherai de moi aussi dans la partie série. C'est de la merde. D'accord. Mais je te comprends. Moi aussi, j'étais curieux au début, j'ai regardé toute une saison. Et puis, je ne l'ai pas vu, mais tantôt vous parliez d'un film avec Sandra Bullock durant l'enregistrement de VGS5. The Blind Side. Jerry Maguire, j'en parlerai aussi. Jerry Maguire, je l'ai dans ma liste ici, dans mon petit document. Or, j'en toucherai de moi aussi. Ah, t'étais sur Allociné, t'as tapé le tag football américain. Mais j'essaye de me rappeler d'un film où c'est toujours au moment de que les joueurs noirs ne pouvaient pas être avec les joueurs blancs, mais je me rappelle plus du titre. Je pense que. Que tu l'as. Oui, il est dans ma liste. Bref, alors je vais en faire une petite liste. Je veux. Causer de trois, si ça peut donner des idées de soirée cinéma à certains ou même à vous deux. Donc pour moi, en premier lieu, le film référence sur le foot américain, mais pas forcément sur le foot américain, sur la NFL en particulier, c'est donc l'Enfer du Dimanche. Excellent film. Ouais, excellent film. D'Oliver Stone, sorti en 2000. Avec pour une fois Cameron Diaz qui ne m'énerve pas spécialement. Avec Cameron Diaz qui joue bien comme tous les autres acteurs. C'est rare parce que d'habitude cette actrice là. Il y a surtout Al Pacino. Je la cite elle parce que j'ai vu récemment. Je ne vous aurais pas parlé dans le. De Green Hornet encore. Non, un autre film avec elle qui m'a sorti par. Night and Day. Mais oui, de Green Hornet aussi, effectivement. Oui, Night and Day. Et je déteste cette actrice, il n'y a rien à faire. Actuellement, je la déteste. Mais dans L'Enfer du Dimanche, très honnêtement, voilà, moi j'ai bien aimé, à sentir bien. Et il y a surtout le grand Al Pacino. Un jeune Jamie Foxx aussi. Et Jamie Foxx, ouais, qui est confirmé maintenant. Mais à l'époque. À l'époque, il était. Il y a Dennis Quaid aussi. Il y a encore. Il y a James Woods aussi. Qui ça? James Woods. C'est qui celui-là? Ah oui, qui joue le médecin. Ouais. En gros, il y a un bon gros casting. Aaron Eckhart, qui est maintenant qui est plus connu. Qui fait aussi un autre médecin. Qui a joué dans The Dark Knight, pour situer. Ouais. Mmh. Donc je fais le pitch rapidement. En gros, ça. Je vais vous lire carrément ce que j'ai écrit en fait. Donc l'équipe des Miami Sharks sont une équipe de foot US qui il y a 4 ans remportait le Super Bowl. Alors dans le film ça s'appelle la Pantheon Cup et la ligue ne s'appelle pas la NFL pour des raisons de droit. Mais cette année ils galèrent ne serait-ce que pour arriver à se qualifier pour les playoffs. Pire même, pendant un match de milieu de saison, leur quarterback vedette, qui est joué par Dennis Quaid, se blesse gravement et son remplaçant fait exactement la même chose sur l'action suivante. Donc le coach Tony D'Amato, qui est joué par Al Pacino, il se voit donc obligé de jouer jusqu'à la fin de la saison avec son troisième quarterback, qui s'appelle Willie Beeman, qui est joué par Jamie Foxx. Et qui est un joueur de 26 ans que absolument personne ne connaît. Tu sais qu'on a entendu des mouches en fond sonore et que je sais que ça fait partie de la chanson, mais quand tu parlais, ça faisait bizarre. Un gros bourdonnement ouais, de oui, mouches en fond sonore. Oui, je vois de ce que tu parles. C'est pas grave, on baissera le ça niveau. Ça fait très bizarre aux auditeurs. Pour la baisser. Mais oui, on baissera le niveau. Arrêtez de coder, on enregistre. Les auditeurs savent comme ça que c'est un bruit gênant, même s'il se réduit. De toute façon, c'est juste l'intro du morceau. Voilà, je te laisse continuer. Donc, oui, bon, voilà le pitch, en gros. Alors, j'ai développé quand même une petite bafouille après. Mais je ne sais pas si vous l'avez vu récemment, donc si vous pouvez être d'accord avec moi ou ne pas être d'accord. Pas récemment, ça fait longtemps, mais... Ouais. Enfin, pour moi, ce qui est assez bien dans ce film, c'est que c'est... De mon point de vue, c'est un peu divisé en deux films en un. Parce que d'un côté, on a une histoire, simplement... Un réalisateur qui raconte une histoire d'un vieux coach qui doute de son équipe, enfin, qui doit gérer son équipe, qui doit faire en sorte qu'elle soit compétitive et qui en même temps doit gérer les conflits avec son nouveau quarterback parce qu'il se prend méchamment, il commence à méchamment se prendre la tête une fois, ouais. Une fois qu'il aligne quelques bons matchs. Et de l'autre côté, c'est l'histoire donc de ce jeune quarterback qui veut profiter de sa gloire inattendue pour jouer à sa façon, pour toucher un gros contrat, limite peu importe quelle équipe, quoi, que ce soit l'équipe dans laquelle il est pour le moment ou une autre, ce qu'il veut c'est toucher un maximum de pognon. Donc ça c'est déjà une première facette du film, et je pense que rien que ce qui est mis en scène, scénario et performance des acteurs, c'est déjà un très très bon film. Ouais, de toute façon c'est Oliver Stone fait des très bons films, mais il fait des très mauvais films. Il y a des choses d'Oliver Stone qui ne sont pas meilleures. Pour celui-là, je suis d'accord. Mais c'est bien. Et l'autre point intéressant pour moi dans ce film, c'est que c'est un... Il montre aussi tous les côtés qui sont très loin d'être roses du milieu professionnel du foot américain, du star system. Donc en vrai par exemple on a la propriétaire de l'équipe qui est jouée par Cameron Diaz qui elle doit gérer en fait elle gère son entreprise quoi puisque en foot américain un club enfin une franchise c'est pas c'est le pognon avant le sport donc c'est une entreprise à part entière. Et donc elle doit penser budget, elle doit penser contrat publicitaire, elle doit penser renégociation de contrat. Et elle fait ça un peu en dessous de la table aussi. Enfin, je dis, ouais. Il y a quand même quelques arrangements comme ça, par-ci, par-là. C'est pas toujours dans les règles. T'as aussi le médecin, comment ça s'appelle, James Wood, ouais. Un peu playboy, lui, il n'hésite pas à mentir aux joueurs pour. Par exemple sur la gravité de leur blessure, parce qu'il y en a un qui peut jouer parce qu'il n'y aura pas tout, l'autre il n'y en a pas qui joue, enfin il sait jamais être. C'est un peu à la tête du client. N'hésite pas à les bourrer de perfusion, pas toujours très clean pour pouvoir jouer. Et aussi, je ne sais pas si tu te rappelles cette scène, il y a deux, trois joueurs mercenaires quoi, qui. Quelques scènes où on les voit râler parce qu'ils n'ont pas assez le ballon, qu'ils n'arrivent pas à faire leur stat. Les stats sont prévus par leur contrat publicitaire, du coup ils commencent à tirer la gueule. Ouais, je me rappelle pas un peu très, près. Pas très, ça montre spirit, un côté un petit peu. Ouais. Bah, le côté business et Star Wars. Pour moi, ça montre le côté business plus joli du foot américain. Et je pense que c'est pas tout lisse, quoi. Ça donne une autre vision des choses. Alors, c'est un peu pas. Parfois, c'est caricatural. Ouais, parce que bon, c'est Oliver Stone, donc c'est avec ses gros sabots. C'est pas toujours. C'est un petit peu pousser loin l'image ouais, pour voilà, faire son point. Quoi. C'est mettre ton gros doigt. Ouais. Mais pour moi, c'est un des seuls reproches que je peux faire à ce film. Quoi. Le reste, c'est que du bon. Le scénario est bien. La bande-son, franchement, nickel. Ouais. Super bien adapté. Les acteurs, excellents aussi. Les scènes d'action, enfin, les scènes de sport. Pour moi, c'est très bien réalisé aussi, donc pour moi, c'est le film référence sur le foot américain. Il y en a plein, en fait, des films de... je valide complètement. Il y en a plein, en fait, des films sur le foot américain. J'en ai vu quelques-uns, mais il y en a pas mal où c'est des comédies ridicules, un truc assez grotesque. Des parodies qui ne valent vraiment pas le détour. Il y en a quelques-uns intéressants, j'en ai regardé deux, trois autres. Il y a Invincible avec Mark Wahlberg, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est tiré d'une histoire vraie, ça se passe dans les années 70. J'ai entendu parler, mais c'est pas la main. Dans les années 70, c'est les Eagles de Philadelphia qui font vraiment des résultats de merde. Et le nouveau coach décide en arrivant d'organiser une sélection où tout le monde est libre de participer. Ouais, maintenant ça me dit quelque chose. Et il y a des centaines de gros guignols qui vont le faire et qui vont se planter. Mais il y a un mec, Vince Papale, qui est un ouvrier qui a déjà 30 ans et qui ne joue qu'avec ses potes. Qui va faire ce camp d'entraînement et qui va finalement arriver à intégrer l'équipe avec énormément d'efforts. Bon, il ne sera jamais un joueur exceptionnel, loin de là, mais il restera quand même 2-3 ans avec l'équipe. Mais c'est basé sur une histoire. Oui, c'est basé sur une histoire. C'est assez romancé, était, ouais, hollywoodien. Mais parce qu'il était joueur pro, enfin semi-pro avant. Oui, c'est possible. C'est pas le voisin qui ouais, va, c'est pas le clan qui a jamais joué au ouais, foot. C'est ça, quoi, voilà. Sinon, j'ai vu récemment The Express. C'est aussi tiré d'une histoire vraie. Les Américains adorent les histoires vraies. Donc ça c'est aussi tiré de l'histoire d'un vrai joueur de la fin des années 50 qui est recruté vers une université pour remplacer un autre jeune noir, je sais pas si j'ai dit qu'il était noir, pour remplacer un autre jeune noir qui est parti en NFL. Noir, pas très politiquement correct. Ouais, une jeune personne de couleur, bon putain, excusez-moi. Et donc là, ça, Black, ça le film raconte aussi sa carrière universitaire, mais aborde aussi le contexte social de l'époque, puisque c'est la fin des années 50. Donc la place des gens de couleur dans la société est loin d'être acquise. Et donc ça se passe pareil aussi sur le terrain. Ouais. Sinon, il y a un autre film avec Denzel Washington, je crois que c'est celui-là dont tu me parlais tantôt. Remember the Titans, ouais, ou en français c'est quoi, Le plus beau des combats, je sais pas. C'est aussi exactement le même. Le plus beau des combats où on se remet les titans. Ouais, c'est un peu le même style de. fort sur le côté racial. Oui, voilà, le côté racial au début des années 70. Mais je m'en rappelle principalement parce que la musique, je crois qu'il y avait pas mal de chansons de Marvin Gaye, et c'était peut-être une des premières fois que je l'entendais. Ouais, c'était pas mal quand même. Ouais, je m'en rappelle plus bien, mais ouais, c'était un petit peu mélod, mais. Mmh. Toujours un peu mélod. Hier, j'ai vu justement, on en parlait tantôt en parlant des Oscars, The Blind Side. Avec Sandra Bullock qui a gagné l'Oscar. Qui raconte la vie d'un jeune nerd qui sort vraiment du ghetto, qui est totalement pauvre, qui n'a plus personne et qui va se faire recueillir par une riche famille blanche qui va le pousser dans ses études pour qu'il réussisse à intégrer une université et plus tard la NFL. Et il va effectivement y arriver parce que je pense qu'il joue en NFL depuis 2-3 ans, c'est un jeune. Parce que c'est très récent, enfin, il a été drafté il y a un ou deux ans, je sais plus. Il joue avec les Ravens de Baltimore. Très très gnangnang, hein. C'est sympathique comme film, mais très très gnangnang. Mais ouais, il joue avec les Ravens. Sinon, rien de bien. Folichon. Rien de bien folichon. Il y a Redemption. Qui raconte l'idée qu'a un contrôleur judiciaire de former une équipe de football américain avec des détenus mineurs d'âge pour leur apprendre le respect d'eux-mêmes et des autres. Sinon, vous serez abattus. C'est sympathique, mais c'est avec The Rock et Exhibit, donc ça vaut ce que ça vaut, quoi, niveau casting. Ouais. Et enfin, un film que plus d'auditeurs connaissent probablement, Jerry Maguire, très bien, en fait. Qui est pour beaucoup un très bon film, mais qui est pour moi une sombre merde. Ouais. Ah, oh, moi j'ai bien aimé. Ah, oh, je trouve ça plein de mièvrerie. Bah, tu vois, c'était de Sony. Ça arrive qu'on soit d'accord. C'est rare, mais ça arrive. Non, moi, Tom Cruise déjà. Mais tu l'as vu qu'une fois ou tu l'as vu plusieurs fois? Parce que la première fois, j'ai vraiment pas aimé. Et puis, je sais pas. Deux, trois fois. Bah, Tom Cruise plus René Zellweger. La première fois, je l'avais vu en. Sans regarder, j'ai dit autre chose. C'est rien que l'addition de Tom Cruise combattu de Monk Junior. C'est vraiment Zellweger. Ouais, non, moi je veux pas. Et comme ça, la première fois, ça m'a pas emballé, mais je l'avais regardé en faisant autre chose sans m'y attarder. Puis en le regardant une autre deuxième fois plus. Avec plus d'attention, je veux dire, ça m'a. Mais Tom Cruise, il y a quelques films quand même que j'aime bien. J'aime bien Magnolia. Ou Vanilla Sky, ouais. Ça commence pas le sujet, mais. Bah, bon, moi je trouve que c'était du Top maintenant, Gun. Ouais, c'est moins sur le foot que. Ouais, c'est plus sur un agent de sportif. Quoi, ouais. Donc ça parle de foot. Son client principal et un des rôles principaux, c'est tenu par un joueur de foot. Ouais. Et lui est principalement dans les joueurs de foot aussi, je pense. Ouais, il y en a quelques. Je me rappelle de radio aussi qui parle de foot, mais. C'est sur une famille. Il y en a plein en fait. Bah ouais, c'est assez c'est vieux. Ouais, je te dis, il y a beaucoup de comédies. Ça, c'est les principaux, je pense. Donc il y a Friday Night Lights, ouais. Mais on parlera du sujet pour la série. Qui a été fait en film, que j'ai jamais vu d'ailleurs en film. Mais il a été adapté en série après, donc on en parlera plus tard. C'est Stetson qui s'en charge après d'ailleurs. Pour les films, juste c'était les principaux. C'est basé sur un livre en fait avant le film. Ouais, un livre puis un film comme une série. En fait, regardez surtout Any Given Sunday. Et Friday. Friday Night Lights en série. Ouais. Qui montre la vie d'une petite ville en Texas. Qui est pas sur la NFL, qui est plus sur. Bah déjà c'est sur la Skill Football. Ouais, c'est pas du tout. Et regardez Inception, très bon film de délire. Et sinon, Invincible et The Express sont très bons aussi, pour moi. Donc c'est vraiment les films à regarder. Et The Blind Side, il a adoré. Ah putain, non. J'ai tenu le coup parce que c'est sur le foot américain, mais putain, c'est cucu, quoi. Vraiment cucu. Bref. Et maîtresse très particulière aussi. Passer un bon moment. Viens là, salope. Mais tu dis qu'il y en a beaucoup, mais je trouve qu'il y en a. Enfin, il y en a eu beaucoup à une période, mais il y en a de moins en moins quand même. Ouais. Peut-être parce que les gens en voient suffisamment à la télé. Ouais. Mais c'est vrai que comparé à d'autres styles de films, on n'a pas tant que ça. Pourtant, c'est quand même. Enfin, les Américains, c'est quand même le sport. C'est pas leur sport principal. Si. C'est le baseball. Non, c'est le foot. Non, c'est clair. Moi, je dis que c'est le basket. Voilà. Non, là, c'est pas le baseball, c'est clair. Ça dépend vraiment des endroits. Il y a des endroits où c'est le baseball qui va être le sport. D'une façon générale, c'est vraiment le foot. Quoi. Donc si vous voulez débattre de cette question, rendez-vous sur bg-show.be et venez en discuter avec nous sur le forum. Non, c'est pas le baseball. Le baseball est très répandu, mais plus que le basket, plus que le hockey, je pense. Mais vraiment, le sport, c'est le... Ça, j'en suis certain. Mmh. Et après. Tu vas pouvoir donner ton avis sur d'autres trucs, puisque maintenant, on va passer aux séries qui parlent de football américain. Non, je ne veux pas te contredire, hein, mais... Baseball is considered the national sport of the United States. Ouais, bon, Wikipédia, en même temps, ça vaut ce que ça vaut. Bref, tu m'as coupé. Nous allons donc mais passer maintenant. Mais c'est parce que c'est massif. Il y a tellement de matchs. Ouais. Ça dure tellement longtemps. Oui, c'est tellement chiant. Oui, oui. Nous allons passer à la rubrique. À la rubrique, si on peut dire. En série. Pas en vrai. Où c'est Stetson qui va. Maintenant, enfin, parler. Ce sera surtout sur Friday. Après, t'as regardé d'autres séries, non? Bah. Regardez une autre. En même temps, il n'y en a pas beaucoup de séries. Une autre. J'ai un petit mot à dire sur une autre en préparation encore, qui a l'air pas mal. Mais sinon, le reste. Non. Bah, je pense que Friday, c'est la. Ouais, c'est la principale. Ouais. Ouais. Donc voilà. On passe maintenant aux séries. Donc. The score 22-17. The dive, touchdown, Big Orange in the Superdome. Alors, on passe maintenant. Rebienvenue. Rebienvenue. Bah, les gens ne savent pas qu'on vient de couper 10 minutes. Bah, zéro jingle. Hein. Ouais, juste. Bon, ça. On passe maintenant aux séries sur le. Foutu S, il y en a vachement moins déjà. Là, il y en a une qui a pas mal de monde connu. Qui s'appelle. Je sais plus, mais c'est Stetson qui va vous en parler. Je ne sais plus. Si, je le sais bien. Mais... C'est pour ça que je dis ça. À toi l'honneur, toi la parole. Qui s'appelle donc Friday Night Lights. Voilà. Qui est donc basé, comme on l'a dit plus tôt. Qu'est-ce donc qui est donc basé. Qu'est-ce donc. Ah, qu'est-ce donc. Et ben, c'est une série sur. Qu'est-ce donc, quoi, lui. Sur une équipe de high school football. High school musical. Club secondaire. High school musical. Ouais. Une équipe de high school football dans une petite ville du Texas, je crois que. Dylan. Ouais, Dylan, dans le Texas. Mais c'est une ville fictive. Ouais, dans le premier c'était. Enfin, dans le film, je sais pas si c'était pareil dans le livre, mais c'était dans Odessa, qui est par contre une vraie ville. Je crois que c'est filmé à Austin. Ouais, c'est ça. Un truc dans le genre. Et ça raconte quoi ? Bah, ça raconte que la vie. Enfin, les premières saisons, hein, je veux dire, la première saison. Mm-hmm. Raconte la vie d'un nouveau coach dans une équipe qui marche fort bien, qui a un star quarterback. Ouais. Et je sais plus si c'est dans le premier épisode ou dans le deuxième, mais il se blesse. C'est dans le. Pour le deuxième. Premier, je crois. Dans le deuxième. Je l'ai vu tout à l'heure. Oui, donc, ça doit être sûrement. C'est un peu vieux. Et donc il se blesse et il est. Ben, il est paralysé. Ouais, il est paralysé, mais on ne sait pas au début. Mais bon, ouais. Le coach est obligé d'utiliser son deuxième quarterback qui n'a jamais commencé de match en starter. Enfin, ça fait un début de scénario à la. L'Enfer des Lions. Ouais, un petit peu. Donc il passe d'une équipe qui était sûre d'aller au championnat de l'État à se retrouver avec une équipe avec un. Excusez-moi. Enfin, vas-y, continue. C'était pas voulu, je suis. À une équipe avec un QB tout nouveau qui n'a pas le respect de son équipe comme avait l'ancien. Et essayer de reconstruire ça. Et donc la série se concentre. Sur la vie des joueurs de foot autour d'eux. Donc, aussi sur la vie de la vie ville, d'une petite qui est ville totalement, au Texas, totalement centrée sur son équipe de foot. Quoi. Ouais. Comme son équipe de ville. C'est pas une série de sport en fait. Non, c'est plutôt une série. C'est un peu plus sociologique que dramatique. Quoi. Le sport, c'est juste le point central. Ouais. Et les relations, ben, voilà, les relations dans la ville et les matchs. Bonne série? Excellente série, une des. Déjà le meilleur drama sur Network. Mm-hmm. La saison 2 était un petit peu plus faible. Avec, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Bon, petit spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu. Avec principalement le meurtre et tout le... Ah oui, oui. Pour ceux qui ont vu se rappelleront. Ça, c'était pas très... C'était une storyline pas énorme, quand même. Ouais. Je pense que c'est un peu dû au fait que la première saison, elle avait été écrite probablement il y a longtemps. Mm-hmm. Ils avaient que des épisodes, pas d'épisodes de remplissage, pas vraiment que des bons épisodes. Ouais. La deuxième saison, ils ont déjà eu beaucoup plus d'épisodes, à mon avis, à remplir. Ils avaient plus assez de matériel pour remplir une grosse saison. Et dû à des audiences relativement mauvaises, malgré la qualité, oui, ça n'a jamais, jamais été une bonne. Mais vu que le président de NBC, le passe au NBC, l'appréciait et que les critiques ont toujours été très positives, ils ont toujours essayé de la garder. Mais à partir de la saison 3, il me semble, ça s'essouffle un peu au fur et à mesure. Non, justement, la saison... pour moi, dès qu'elle est repassée sur un format de 12-13 épisodes par saison, sur une chaîne câblée, c'est redevenu beaucoup mieux. C'est un peu logique. Personne n'arrive à tenir une série de 24 épisodes par saison avec une qualité dans le script. Ouais. Ouais, je sais pas, je trouve qu'au fur et à mesure, c'est... T'as les petites histoires d'amour et tout, ça plombe un peu le truc pas fou. Ouais, ça dépend pourquoi on la regarde quand même. C'est plus une série dramatique. Ouais, ça peut convenir aussi à des... C'est pas qu'il faut pas aimer le football pour regarder cette série. Ouais, non, pas du tout. Faut aimer une bonne série, tout simplement. Ouais. Mais je suis d'accord que dans la saison 2, principalement, il y avait vraiment cette tellement Mais je trouve que la 4, la 5, t'as remonté complètement. La 5, là, est excellente. La 5, j'ai vu le début, mais faudrait que j'approfondisse. Elle a toujours été très bien notée par les critiques. Ouais, ça a recommandé, donc. Ouais, clairement, avec de bons acteurs qui ont changé au fil du temps, parce que... Ouais. À cause du budget, on pouvait plus payer certains. Et puis parce qu'ils grandissaient aussi, donc ils n'ont pas fait comme certaines séries qui gardent des gens qui ont l'air 30 ans et qui sont toujours en secondaire. Ouais. Là, ceux qui ont grandi, ils sont partis soit au collège, soit qu'ils ont. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas resté à l'école. Donc, ouais, ça, il y a un certain renouveau dans les personnages. Ouais. C'est vrai qu'elles sont rares les séries qui font ça. Ouais. Ils osent changer les personnages. Ouais. Une série que vous avez critiquée dans le BGS, Skins, change 5-4. Et je vais t'étonner, mais Glee aussi a eu la même idée. Ouais. Je sais, mais voilà. Vous pouvez le souligner aussi. Ouais, ouais. Elle a eu plein de prix aussi. Voilà, c'est vraiment une de mes séries favorites. Je ne sais pas si je lui ai fait justice. Ouais, vu j'ai peur de, pas, j'ai aussi peur de spoiler et de dire des... Ouais. C'est un bon départ. Je crois que c'est bien de savoir qu'il n'y a pas besoin d'aimer le foot pour, ouais, faut vraiment pour la regarder et que c'est, intrinsèquement c'est une très bonne série. Si on est intéressé aussi par comment se passe la vie dans une... C'est vrai, j'ai déjà parlé avec des gens qui viennent du Texas et ils ne trouvent pas que c'est caricatural. Non. C'est une petite ville vit un peu comme ça. Il a parlé avec un petit fabricant de saucisses. Non, ça c'était dans c'est une prévue de jeu. Non, mais sincèrement, ils trouvaient pas que c'était caricaturé. Et c'est, de toute façon, c'est vrai que ces villes-là sont fort concentrées sur les équipes de foot. C'est un peu Y a pas grand-chose à faire. Ouais. Il se passe pas grand-chose. Ouais, je trouvais que sociologiquement, c'était pas mal foutu. Ouais. C'est un point de vue intéressant. Pas recommandé. Oui. C'est une bonne attitude de la part de NBC d'avoir essayé de la garder en vie. Malgré le fait qu'elle ne faisait pas des audiences exceptionnelles. Ouais. Bon, après, c'est une bonne série à avoir dans leur portfolio d'un point de vue qualité. C'est bon. Ça peut attirer d'autres showrunners et tout ça. Mais ouais, vraiment une série à recommander. Non, une autre série qu'on a tous les deux regardé. C'est une qui est nettement moins recommandée. Non, j'avais parlé de Arnax. Arnax, oui. Ce qui est plus un documentaire, mais je te laisse en parler. Non, vas-y, c'est toi qui en parle. Non, mais toi... Enfin bon. Eh ben, vous battez pour savoir qui en parle. On a déterminé que c'est toi. Ok, bon, donc c'est pas vraiment une série, c'est un documentaire qui suit la... Un documentaire en série. Ouais, un documentaire. Qui suit la pré-saison d'une équipe, et chaque saison suit une équipe différente. Au camp d'entraînement, quoi. Ouais. Pendant l'été. Et donc ça suit en général... Il y a 5 ou 6 épisodes, je pense, de 50 minutes environ. Oui, je vois. Ouais, enfin, ouais. En général, ça suit un joueur, des rookies, hein, principalement, ouais. Un qui est le du draft, quoi. Ouais. Oui, ça change un peu le sujet principal à chaque fois. Quoi ? Elle est nulle. Très bien. D'ailleurs, les rookies, ça pue en été. Bon, ça va, je sais. Putain, il est fatigué. Donc, alors, c'est. Bah, principalement quand même ça se concentre sur les rookies en NFL, leur âge. Les rookies donc c'est les premières années. J'avais compris. Ouais non mais tout le monde n'est pas susceptible de comprendre. Il y a celui, en général ça se... Il y en a un sur le premier tour. Un le top et un qui est plus... Ça parle aussi de vétérans. Mais en gros c'est toute la vie de l'équipe pendant l'avant-saison, quoi. Les joueurs confirmés qui sont... Les choix de l'équipe ou... Ils sont déjà là depuis longtemps. Les nouveaux qui ne savent pas s'ils auront leur place, parce qu'il y a pas mal d'éliminés, enfin de cutés avant ils la fin. Ils ont une limite sur le nombre de joueurs qu'ils peuvent avoir. Donc, ouais. Quand il y a 80 personnes au début du... Et qu'ils doivent en garder 52 ou 53, c'est... Il y a toujours plein de déçus. Mais c'est tourné, les blessures, etc. Ouais. Parce que les camps d'entraînement en NFL, c'est pas gentil, quoi. Oui, non, c'est pas le club mec. Mais c'est très bien mis en scène aussi, je trouve. Ouais, il y a de beaux plans, de belles séquences. Ça, par contre, c'est une série que je ne conseillerais pas si on n'aime pas le foot de base. Oui, mais je trouve ça assez intéressant à regarder quand même. Mais il faut déjà quand même connaître un petit peu. Ouais, et puis c'est disponible uniquement en anglais déjà. S'il y a moyen de choper les sous-titres, mais. Alors, ça en général. Et puis c'est sympa d'avoir une vision un petit peu plus intérieure de comment. Ouais, c'est un peu plus humain. Et, ouais. Ouais, pour moi c'est un bon. Mais bon, faut déjà s'intéresser au sport quand même. Pour, bah déjà rien que pour pouvoir comprendre la logique de comment ça marche. Et puis on voit certains joueurs qui, si on n'est pas fan, par exemple, voir Chad Ochocinco faire des conneries, ils vont peut-être pas comprendre la logique de pourquoi il fait ça. Parce que c'est un gros blaireau. Voilà, il y a pas mal de blagues où il faut connaître un petit peu la NFL. Ouais. Mais sinon, si on est intéressé, c'est initié, vraiment... Et c'est pas une série qui est très, enfin, très peu connue dans notre contrée. Oui, ici, oui. C'est HBO qui fait ouais, ça. C'est HBO. Mais donc, c'est voilà, qualité en général. Ouais. Et ça, si je ne m'abuse. Je le conseille aussi, mais plus à des gens. Alors que Friday, n'importe qui peut appeler ça. Beaucoup moins de qualité, par contre. Beaucoup moins de qualité. Tu as sûrement dû voir aussi. Une série qui s'appelle Blue Mountain State. Oui, j'ai pas regardé beaucoup. Je vais te laisser en parler. Bah, je veux pas en parler longtemps, parce que j'avais découvert ça, je sais plus, il y a un ou deux ans. J'avais regardé une saison, parce que bon, si on parle de foot américain, bon, ça m'était sympathique. C'est une comédie. Enfin, sympathique, c'est une série comique. Enfin, comique. Justement, c'est là bien là le problème, c'est. Si vous aimez l'humour pipi caca beat chat. Bête nichon couille. Là, oui, c'est susceptible de vous plaire. Si vous avez un minimum de cerveau, non. Parce qu'il faut savoir que c'est une série qui passe sur MTV, quoi. Donc, c'est dans le style d'American Pie. Entre Pimp My Ride et 17 ans et maman, ça vous situe le niveau. Par contre, ça passe pas sur MTV. Hein ? C'est pas de MTV à la base. Ouais, mais c'est passé sur MTV. Sur... Ici, peut-être ? Ouais. Ok. Il me semble, en tout cas, ouais, je pense, j'ai déjà vu sur MTV, j'ai déjà vu à la télé, j'ai déjà vu sur MTV. Ça, en gros, ça raconte que dalle, mais c'est sur une université fictive et son équipe de foot américain, mais les membres de cette équipe pensent plus à boire, baiser qu'à autre chose, mais franchement, c'est très très lourd. C'est quoi, skin, c'est très, très... Ouais, mais encore c'est plus non, débile, c'est bien, quoi. Pire. C'est très très potache. Parce que Skins a un côté réaliste, entre guillemets, un peu extrême, mais... Alors que... Là... Non, là, c'est totalement irréaliste, mais... Ça peut faire sourire, mais il faut vraiment foutre son cerveau sur moi. Vraiment. Moi-même, quoi, c'est mauvais. Et sinon, j'ai vu que récemment, il y a une série qui est en préparation qui s'appelle The Wreck. WRE, ouais. Qui apparemment parle d'une équipe qui est vraiment en perte de vitesse totale, mais dont le coach doit absolument faire des résultats avant de sauter de son poste. J'ai vu que c'est assez prometteur, on verra ce que ça donne, je ne sais même plus exactement quand ça sort. Mais on verra ce que ça donne de ce côté-là. Sinon, au niveau série, c'est assez... Il y en a une que je connais pas personnellement, mais c'est The Game aussi. Oui, je l'ai vu en sans pas mon sujet, j'ai jamais pensé à regarder non plus. Ça m'a l'air un peu cucu aussi. Ouais, c'est encore une comédie, quoi. Je trouve pas spécialement que ça se prête. Par contre, The Wack, ça me dit rien, tu penses. Moi non plus. On verra ça sous peu, quand on imagine. Niveau série, c'est assez pauvre. Je ne sais pas si c'est un truc à rajouter. Non, mais il n'y en a pas des masses. Hein. Il y a vraiment de qualité. Mais il y a FNL et Arna qui est plus dans deux styles bien différents. Oui, ouais. Par contre, FNL, je le répète encore une fois, a vraiment à regarder. Ouais. Même si vous n'êtes pas en retard. Je confirme, c'est ça. Il y a juste vraiment la saison 2 qu'il faut un petit peu forcer parce que ça redevient vraiment beaucoup mieux. Par contre, un truc qui ne manque pas d'éléments, c'est les jeux vidéo en rapport avec le foot US. On va aborder ça dans la prochaine rubrique. Ah, attends, avant qu'on ferme, The Wack, ce sera sur AMC. Donc ça, oui, qui a fait Breaking Bad. Breaking Bad, Mad Men, Rubicon, Walking Dead. Ouais. C'est pourri Mad Men, mais je suis d'accord. Non, Mad Men, c'est pas pourri. Rien que pour ça, ça ne peut qu'être prometteur. Prometteur. Bon, peut-être pas. Ouais, parce que Walking Dead n'était pas bon. Ouais, c'est un autre débat. Walking Dead. Kirby poursuit sa croisade anti-Walking Dead. Non, anti-série Walking Dead parce que le comic c'est. Ouais. Merci pour cette précision. Donc, On va passer à la rubrique jeux vidéo. En vitesse. D'accord, bah c'est parti alors. Allô. On passe donc à la rubrique jeux vidéo. Là, il y en a déjà nettement plus. On va pas parler de tout, puisque déjà, de toute façon, la plupart sont uniquement disponibles aux États-Unis aux États-Unis. Et ils sont zonés, donc il n'y a pas moyen de toujours les importer. Mais... Après, voilà. Il n'y en a pas tant que ça, moi, en souvenir. Il y en a plein, mais la plupart sont pas disponibles ici, quoi. Ça. Mais aux États-Unis, il y en a plein. Bon, j'en ai testé quelques-uns, j'en ai même acheté expressément un pour numéro, mais je voulais déjà l'acheter avant. De toute façon, okay. Bref, au niveau des jeux vidéo, sur le Foot US, la référence en surprise, c'est la série des Madden. Je pense que Stetson ne sera pas en désaccord avec moi. La double négation, ne sera pas en désaccord. Ouais, bon, sera d'accord avec moi. Donc, forcément, c'est le jeu avec la licence officielle, avec le gros budget, eSport, les graphismes, l'animation à la hauteur du budget. Les cahiers de jeu complets, au niveau tactique, etc., les effectifs à jour, les modes de jeu différents, la disponibilité sur toutes les consoles, il y a PS2, PS3, PSP, Xbox 360, il y en a Wii, et aussi la DS. Donc, plus complet, je pense, plus difficile. De toute façon, Madden, c'est une institution en lui-même, quoi. Ouais, les joueurs veulent être sur la cover, enfin... Non, parce que justement, parce qu'il y a une petite... Après, c'est vraiment quelque chose d'important, quoi. Maintenant, ça reste de très loin la référence. C'est vraiment à tester. Pour qui est déjà, pas forcément initié, mais qui aime le sport. Parce que sinon, autant jouer à un jeu d'arcade, ce sera quand même mieux. Mais sinon, pour celui qui s'intéresse au sport, c'est vraiment très bien foutu. Et c'est pas le plus vendu parce qu'il a la licence, c'est le plus vendu parce qu'il est vraiment très très bien dans tous les domaines. Maintenant, il y en a une version chaque année, comme tous les jeux e-sport. Hein. Est-ce qu'il les améliore ? Ouais, non, mais la série de FIFA qui dure depuis 5 ans, etc. Les jeux de sport, etc. E-sport. Ouais, c'est bon. Très con, en fait. E-sport, c'est le fait des jeux de sport, ouais. Parce que c'est la division sport. C'est pas qu'il y ait. Excusez-moi. Donc, il y en a tous les ans. Les améliorations d'une version à l'autre, chaque année, c'est assez minime. De toute façon, ils l'admettent eux-mêmes qu'ils gardent les évolutions. Genre, si par exemple ils font un meeting et qu'ils ont plein d'idées, s'il y a trop d'idées qui sont trop importantes à changer, ils les gardent pour laisser. Ouais. Donc c'est admis. Ouais, c'est ça admis, restera toujours comme ça. Ça ne justifie pas vraiment l'achat de la nouvelle version à chaque fois. Moi j'ai les trois dernières. Je trouve que le prochain, je vais faire l'impasse. Quoi. Ça dépend un peu des évolutions. Oui, sauf s'il y a vraiment une grosse évolution. Par exemple, l'évolution entre le 10 et 11 est quand même très très forte. Il y a pas mal de changements. Je trouve que c'est sympa, c'est les receveurs qui essayent beaucoup plus de garder leurs deux pieds. Ouais, quand ils font ouais un ça catch, c'est énorme. Ça, c'est très bien foutu. Aussi, le jeu de running est quand même beaucoup plus tactique. Tu peux plus éviter sans. Les joueurs sont moins ridicules au niveau vitesse. Genre l'année dernière, Chris Johnson courait. Tu faisais un U avec. Lui, il n'y avait quasi aucune chance qu'il te rattrape. Donc ça, c'est un peu ridicule. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça assez. Quelques améliorations. C'est des petites évolutions, mais. C'est un peu lourd pour 60 euros, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Non, on peut les acheter en ligne. Ouais. Bref, ça reste quand même ce qui se fait de mieux. Ouais. En niveau qualité, je trouve que NCAA est pas mal aussi, mais plus difficile à avoir pour nous. Mais les honnêtes. Il y a moyen de l'avoir en Angleterre, je crois. Ouais. Ouais, ça m'intéresserait encore. Ouais. Si tu. Tu essaieras de me le trouver. Bah, j'en avais acheté un il y a le 2008 ou le 2009. Mm-hmm. Donc, j'ai pas essayé celui-ci. Mm-hmm. Parce que bon, après, tu vas avoir Madden et NCAA, il faut trouver des gens avec qui jouer. Aussi. On m'en fout, je joue tout seul. Moi. Ah, mais j'aime bien jouer en ligne. Ouais. Sinon, sur le PlayStation Store et le. Plateforme web Xbox Live. Il existe un Madden Arcade, donc pour ceux qui sont assez rebutés par la version normale, ça c'est vachement mieux. Enfin, vachement mieux, non, mais les graphismes sont un peu plus sympas, les têtes sont plus grosses, pas comme dans un NBA Jam par exemple. Les règles beaucoup moins contraignantes, c'est beaucoup plus fun. Donc, Il y a aussi un peu dans l'esprit FIFA Street, mais il était pas top, hein, c'était NFL Tour. Ouais, que j'avais pris. J'ai essayé de le trouver. Il était pas c'était un peu plus de l'arena football, quoi, non ? Oh, c'était des petites équipes de 5 joueurs. Ouais. Moi, c'est vraiment pas top. Hein. Autant FIFA Street m'amuse. Ouais. Ouais, dans le côté délire, NBA Street aussi. Mais celui-là m'a pas spécialement. Dans les autres bons jeux, à mon sens, il y a Blood Bowl. Qui est pas tout à fait le foot américain, mais ouais. je développerai après parce que c'est vraiment un excellent jeu. Il y a un jeu iShield 21 qui est donc dérivé de. Oui. Qui est dérivé de la série qui est elle-même dérivée du manga. J'ai pas pu y jouer parce que je pense que c'est disponible en japonais sur Wii, PSP et DS. Mais ça a l'air assez sympathique, c'est très arcade je pense, hein. Les graphismes c'est vraiment calqué sur la licence. Je ne connais plus le nom de la technique. C'est le shading ? Ouais, ça doit être ça. Vraiment copié sur les graphismes de l'anime. Le shading. Et je pense que des tests que j'en ai vus, c'est essentiellement basé sur des mini-jeux, des quick time events. Tu dois appuyer sur un bouton, bouger la Wiimote au bon moment. Mais apparemment, il y a quand même un scénario qui suit plus ou moins la trame de l'histoire. de base, donc en japonais, je pense que c'est assez difficile d'en profiter pleinement. Personnellement, j'y ai pas joué. J'ai pensé l'acheter sur DS, mais en japonais, mais... Ouais, c'est un peu dur. Ouais. Maintenant, ça peut être sympa pour celui qui aime bien l'arcade. Il y a Blitz aussi qui est assez connu. Blitz de Lee, ouais. Justement, ouais. Ouais, c'est celui-là que j'ai acheté, je voulais l'acheter déjà assez longtemps, j'étais assez déçu. Donc c'est aussi un jeu de foutuesse assez arcade. Plus violent, mais, non mais qui, oui, oui, très très violent, mais qui est basé sur un scénario, sur une équipe qui tombe en division 3, et dont on incarne le coach qui est chargé de la ramener au top, mais tout en sachant que derrière, il y a des... Oui, on joue les matchs quand même. Tout en sachant que derrière, il y a un président véreux qui est prêt à faire des coups fourrés, etc. Donc c'est assez original, il y a un scénario derrière ça. Bon, maintenant, c'est pas digne d'un Oscar. Ça prend aussi des événements réels, il me semble qu'ils avaient un peu parodié ce qui arrivait à Michael Vick. Ah, c'est possible, je sais pas. J'ai pas été assez loin, en fait, parce que déjà, le truc qui m'a assez déçu, c'est le niveau de difficulté, c'était assez chaud. Donc j'ai été champion la première saison, puis la deuxième, c'était vachement plus dur, donc j'ai pas été beaucoup plus loin. Maintenant, oui, il y a d'autres trucs sympas au niveau... Bon, c'est de l'arcade, donc ça se prend pas trop la tête. Maintenant, je trouve que le côté arcade est un peu trop arcade, justement. Parce que d'un côté, t'as une tonne de jeux disponibles, mais t'as à peine 7 ou 8 secondes pour les choisir, donc tu finis par faire le même jeu. À voir ce qui se passe sur le terrain finalement pour envoyer la balle n'importe où. Qui d'ailleurs, ça, c'est assez pour limité. Revenir sur Madden 11, le game flow est pas mal pour quand on jouer sans qui te donne quand même des relativement bons choix. Mm-hmm. Il y a aussi un changement important que j'ai pas dit tout à l'heure, mais le fait de pouvoir faire des audibles sur la ligne. Oui, la gestion des boutons sur Madden a été assez bien pensée aussi. Ouais, c'est vrai que finalement quand on parle, il y a quelques... Pour moi, il y a une plus grosse évolution entre 10 et 11 quand on a fait 10. Mais le niveau de difficulté pour moi posait problème, c'était assez... Dans Blitz? Non, dans Madden, mais je reviens sur Blitz, oui. Aussi, le niveau de difficulté, je trouve c'est un peu limite. Et puis, le côté trash du jeu est pas super bien développé, quoi. Il y a moyen de doper ses joueurs et tout, mais ça devient vite... Ça arrête vite d'être marrant. Moi, ouais, je pense d'envoyer des putes chez l'adversaire avec des matchs, des trucs du genre, vraiment des coups fourrés. Mais ça c'est assez répétitif finalement, aucun des deux côtés du jeu ne parvient à être vraiment bon, que ce soit le côté arcade ou le côté gestion trash. Donc moi j'ai trouvé ça fun, mais sans plus quoi, je m'attendais à moi. Je sais pas si t'as bien aimé ce jeu là. Non, j'ai quasi pas joué, j'ai joué il y a longtemps en premier, mais ça me tentait d'essayer l'autre, mais bon. Mmh. Ouais, bah paraît que le 2 est mieux, maintenant moi le 1 m'a pas vraiment convaincu de Steam pour acheter le 2. Enfin, pour ceux qui s'intéressent, c'est dispo sur Xbox normal, Xbox 360, PS2, Wii et PSP. Et le 2 est dispo sur PS3, Xbox 360. Ouais, il y a un numéro 3 2. Jeux PC aussi. Il y a un autre jeu aussi qui a l'air sympa que j'ai pas pu tester. Backbreaker ça s'appelle, sur PC, Xbox 360, PS3 et iPhone. Donc ça c'est plutôt axé simulation aussi, ça essaye de marcher sur les plates-bandes de Madden sans être au même niveau, mais... Bah déjà sans les licences quoi. Ouais, déjà il n'y a pas de licence, donc pas de vrais joueurs, pas de vraie équipe. Mais apparemment il est jugé très très bon, enfin très très bon, jugé bon, beaucoup voire plus très réaliste, bon. Réaliste je crois au niveau des dégâts, des... Oui, je pense au niveau moteur graphique, niveau animation, etc. Il a l'air assez exceptionnel, mais... Et aussi dans l'immersion dans l'action, ça a l'air assez bien foutu. Maintenant, il y a d'autres problèmes, genre l'absence de licence, la bande-son apparemment est assez pauvre, les graphismes sont moyens, les animations sont excellentes. Ouais, c'est la physique, je crois, vraiment qui est impressionnante. Mais voilà, maintenant ça peut être une alternative à Madden, ça peut être sympathique, quoi. Après, il y a toute une flopée de jeux que vous pouvez toujours fouiller et trouver. En provenance des États-Unis. Moi je l'ai pas fait. Voilà, moi j'ai tenté les meilleurs. Mais je vais parler d'un que t'as pas parlé. Oui. Qui est NFL Head Coach, qui est un petit peu. Ah, En beaucoup plus léger. J'ai déjà voulu y jouer, mais je sais pas que c'est mauvais. Qu'un Football Manager like, quoi. Mais autant Football Manager like, enfin les Football Managers sont vraiment devenus très très complets et très très denses. Autant NFL Head Coach est très très pourtant, léger. Pourtant, c'est le studio qui voudrait se pencher là-dessus, se ferait des couilles en or. Ouais, je comprends pas qu'il y ait personne qui... Peut-être des histoires de droit avec la NFL qui doit avoir son show à attraper, mais... Mais c'est vraiment bizarre. Parce qu'à mon avis, si peut-être que t'as la licence pour les noms des joueurs NFL par exemple, mais il faut s'arranger avec les NCAA pour avoir ceux de. Parce que t'as un renouvellement, ouais, ça dure plusieurs saisons. Voir les noms des collégiens, puis peut-être high school, quelques-uns. Mais enfin, je dis pas que ça doit être l'équivalent de Football Manager, parce que bon, Football Manager. Un Football Manager like sur la NFL, pour moi, ce serait pas radical. Et mais je pense plus léger au début, je comprendrais, mais... Ça en vendrait des dizaines de millions, quoi. Bon, ça m'a pas non plus complètement déplu. J'ai pas joué... Il y a eu un 2, enfin, qu'ils appellent Head Coach 2009. Le plus récent, de 2006 ou quoi? Non, il y en a eu en 2009. Enfin, 2008, donc... Mais moi, j'ai celui avant. Qui a pas mal de défauts, hein, mais bon... C'est le seul jeu de ce genre-là, donc... Ouais. Pour qui est intéressé, ça peut être... Mais il est très très simpliste. Donc, c'est un peu comme j'avais l'impression de retourner aussi, je pense. Ouais, bah ça c'est un peu le risque de ces jeux-là, mais j'avais l'impression de retourner à des Football Manager des années 2000, quoi. Donc on n'est vraiment pas dans les modernes. Bah, moi, je passais des semaines et des semaines sur Football Manager 98. Mais bon, il était exceptionnel, tu vois corrompre les arbitres et tout. Ouais, je me rappelle les points de vin. Limite, je trouve que maintenant ils sont trop denses pour moi qui n'est pas fan de foot, c'est beaucoup trop compliqué. Bah moi je ne suis plus fan, enfin j'appréciais un peu le foot avant, mais le dernier auquel j'ai joué c'est le Foot Manager 2009 je pense, ça commençait déjà à devenir assez touffu quoi, mais bien, enfin très très très très, très complet donc... Touffu, comme la chatte à la voisine quoi. Commentaire de Kirby qui va bientôt s'endormir. Non, il est 6h16. Non, je suis toujours là, bien présent. Autre chose sur Head Coach? Non, c'était juste pour donner un autre style de jeu. Je vais encore en donner un d'autre. Un autre style de jeu. Un d'autre? Un d'autre. C'est Blood Bowl, je sais pas si vous connaissez. Donc il existe en jeu vidéo. Moi je l'ai sur Xbox 360, c'est un de mes jeux préférés, personnellement. Mais à la base, c'est un jeu de stratégie plateau, ouais. Je sais pas si t'as déjà joué. Je connais. Moi pas, mais... Jouer, non, mais je connais. Ouais. Donc c'est un jeu de stratégie plateau qui allie le football américain, enfin un truc qui y ressemble. Parce que c'est... De loin. Oui, de loin. C'est aussi très violent, pas beaucoup de règles. Ça allie le football américain et le monde de Warhammer. Et c'est donc, du tour par tour, non? Enfin, ouais, il y a une manière de tour par tour. Pour moi qui aime bien, qui aime beaucoup les deux univers, c'est vraiment un excellent mix. Et c'est un vieux jeu, le jeu de plateau, c'est quand même assez vieux, ça, puisque ça date de 1987, ça a été déjà réédité plusieurs fois depuis. C'est plus édité, mais je pense que ça. Les mises à jour de règles sont toujours éditées sur Internet. Et il y a des communautés de jeux sur Internet qui sont assez actives. Quoi. J'ai joué quelques temps sur le web et il y a quand même pas mal de monde. Donc en gros, je vais faire vite fait. Le principe du jeu, c'est très simple, puisque c'est un jeu au tour par tour, avec deux équipes qui s'affrontent de 11 joueurs. Ça se joue au tour par tour sur un plateau qui est divisé en cases. Et comme Warhammer, c'est basé sur des lancers de dés avec des caractéristiques de joueurs qui sont mouvement, force, agilité, armure. Donc il y a un nombre limité de tours de jeu par joueur évidemment et le but du jeu c'est de marquer le plus de touchdowns à la fin du match. Et là Niki, il n'y aurait pas de souci pour les points puisque un touchdown c'est un point et c'est tout. Il n'y a pas de field goal ou de safety. Il n'y a pas de souci avec les points. Mais non, c'était pas. Mais donc c'est très bourrin, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de règles. Mais ça a aussi un côté tactique très développé comme jeu. Ouais. Puisqu'il y a le mouvement d'une figurine ou d'un joueur sur console est limité à un certain nombre de cases. Si sa case est en contact avec l'adversaire, elle doit réussir des tests d'agilité pour éviter son tac. Et la notion de turnover aussi, par exemple, c'est que si un joueur rate son action, bah, le tour est fini et c'est l'autre joueur qui joue. Donc par exemple, si tu veux bouger 6 de tes joueurs sur ton équipe dans un tour et que tu rates l'action de ton premier joueur, qui par exemple se fait choper, bah, tu peux plus rien faire, quoi. Et c'est ton adversaire qui joue, donc il faut bien prévoir lequel de tes joueurs bouger d'abord, ce qu'il va faire, etc. Donc c'est assez développé. Ouais, c'est un jeu qui est quand même fort apprécié. Hein. Ouais, mais c'est très fun, mais en même temps il faut réfléchir pour jouer, pour gagner. Et un des gros points forts, c'est qu'il y a plein de tactiques possibles en fonction des races qui sont jouables, quoi. T'as les elfes, par exemple, donc pas de surprise, avec ces grosses tapettes-là, c'est de la passe, quoi. Ouais, pas de surprise, non, ils sont très agiles, ils réussissent tous leurs tests d'agilité pour se débarrasser de mecs qui veulent les tacler. Ils ont une capacité de mouvement très très grande et ils sont excellents pour lancer des ballons. Ils sont capables de monter le terrain en deux tours. Attaquer de loin en visant et se défendre. Comme des archers. Esquiver, c'est tout ce qu'ils savent faire. Se cacher, esquiver. Leur gros défaut, c'est que c'est des tapettes, quoi. Donc un orc arrive. Oui, si t'envoies un orc ou un guerrier du chaos leur faire la peau, des elfes, il n'en restera plus beaucoup à la fin de la partie. Donc les Skavens, ils ont un jeu très similaire aussi. Les nains, c'est tout le contraire. Les nains sont très lents. Ils ont autant d'agilité qu'un porte-avions. J'ai mis ça comme phrase dans mon petit truc. Mais c'est à peu près ça. Et ils n'ont aucun talent pour tout ce qui est passe et technique. Par contre, ils ont une technique très particulière, ça s'appelle la cage. Ils mettent un joueur avec le ballon, ils en mettent 6 autour de lui, ils forment une cage et ils avancent. Ils bougent de 4 cases par tour, et ils mettent une mi-temps pour traverser le terrain, mais ils avancent. Alors, si t'arrives pas à leur piquer le ballon avant qu'ils ne forment la cage, si t'es un elfe, ça devient difficile de choper le ballon par après. C'est une tactique comme une autre. Alors, t'as d'autres races aussi, hein. Les humains, comme d'hab, ils savent tout bien faire, mais ils sont excellents dans rien du tout. Il y a des équipes plutôt balancées avec les hommes lézards qui ont de la force, avec les sauts russes et de la vitesse. Avec les petits skins, je sais pas si tu connais un peu le monde de Warhammer. Oh, légèrement. Ouais. T'as les gobelins, évidemment, c'est les plus marrants. Puisque c'est toujours là qu'il y a les unités un peu spéciales. Par exemple, les fanatiques, ou des tronçonneuses. Ou... T'as aussi une technique que j'aime beaucoup, c'est le lancer de gobelins. C'est que t'as un troll sur la ligne offensive, tu vois, qui est chargé de bloquer. Et tu peux amener ton gobelin avec la balle. Le troll va le choper dans son bras et il va le balancer à l'autre bout du terrain. Ce qu'il y a, c'est que c'est un troll, donc une fois sur 6, il arrive à lancer correctement. 5 fois sur 6, tu gagnes rarement quand tu joues les gobelins. Super. Et il y a mes petits préférés aussi, c'est le chaos. Le chaos. Ah ouais. Ouais, sur ce jeu-là, parce que sur Warhammer, c'était pas... Non, c'était les nains. Ça toujours été les nains, toi. Ouais. Non, donc, mais le chaos, parce qu'ils sont quand même relativement rapides. C'est pas des flèches, mais ils sont rapides. Et ils sont bourrins, quoi. J'ai toujours bien aimé le chaos. Ils sont très très bourrins, donc c'est vraiment marrant de jouer avec eux. Même dans le Warhammer. Et il y a moyen de faire des upgrades très sympas avec eux. Parce qu'il y a une autre caractéristique aussi, c'est que tu peux faire des upgrades. Ça se joue généralement en ligue, c'est pas sur une bête partie. Ça se joue en ligue et tu peux faire des upgrades de tes joueurs de partie en partie. Mm-hmm. Par exemple, et si t'as un blessé par exemple, ou un mort, il sera blessé sur un tel nombre de matchs, tu pourras plus l'utiliser. Ouais. Donc, comme une saison de manière. Ouais, voilà, ça se joue sur la durée, quoi. Ça se joue en ligue. Alors un autre point fort, évidemment, c'est l'ambiance qui est décalée, quoi. Puisque le qui est un mélange de Warhammer et de foot. Ouais, c'est ça. Il pouvait difficilement aller autrement, quoi. D'ailleurs, moi je sais très bien que je joue. Quand je joue les elfes par exemple, j'essaie de dégommer tout le monde, quoi. Mon but c'est de dégommer de l'elfe. Il y a moyen de faire des agressions, quoi. Quand tu as déjà taclé quelqu'un qui se retrouve au sol, il y a moyen de il ressautait dessus, coude en avant, en essayant de le tuer. Tout ça dans la bonne humeur, bien sûr. Donc, parfois aussi, il y a des supporters qui causent quelques soucis, qui jettent des rochers sur le terrain, et ils intimident l'arbitre. Ça a parfois des effets assez sympas sur le déroulement des matchs. Versus des elfes avec des pommes. Et il y a moyen aussi de. À chaque match, de prendre une certaine somme pour acheter l'arbitre. Qui regarde ailleurs, par exemple, quand t'agresse un joueur adverse, ou pour acheter des relances de dés supplémentaires. Donc, en gros, tous les coups sont permis. Franchement, je conseille ce jeu à tout le monde. C'est vraiment ça, fun. C'est après toutes ces louanges, les gens ne l'achètent pas, je comprends pas. Franchement, vous devriez essayer. C'est vraiment allier le côté fun au côté tactique. C'est vraiment très très bien dosé entre les deux. Moi j'adore passer des heures là-dessus. En plus ça va assez vite, quoi. C'est pas comme une partie de Warhammer qui peut prendre tout un après-midi. Ou une soirée ou une nuit. Là, en partie de Blood Bowl. Sur plateau, en une heure et demie, en général, c'est plié. Donc, ouais, moi, je ne peux que conseiller ça. Mais comme vous n'y avez jamais joué, Non, pire, je crois que c'est que je l'ai acheté sur Steam pendant les soldes, mais je ne l'ai toujours pas installé. Sur quoi, sur PC ou sur... Ouais, sur PC, sur Steam. PC. Il n'était pas très cher, tu vois, donc je me souviens. Mais justement, sur PC, il y a une nouvelle édition qui a été faite. Bah, je crois que c'est ça. Avec plein de races supplémentaires qui n'a pas été faite sur Xbox. Sur Xbox, je pense qu'il y a seulement 8 races, alors dans sur PC, il doit y en avoir 20. Faudra les installer. Il y a un autre jeu aussi qui est très similaire à Blood Bowl, qui s'appelle Chaos League, qui est sorti déjà en 2004-2005, je pense. Ouais, je vois aussi. Ils avaient eu des problèmes avec Games Workshop, l'édition. Enfin, parce que c'est le même développeur, il me semble. Oui, bah oui, finalement, après une petite des petits malentendus, ils se sont fait engager pour développer Blood Bowl cette fois-ci. Voilà. Pour ceux qui voudraient tester le jeu, j'ai pensé à vous, sans devoir investir dans des figurines, il y a des communautés assez actives sur la net où on peut jouer. Donc moi, je vous conseille fumble.com. Fumble avec 2 B et sans E, donc je vous les blé, ce sera plus ça. FUMBBL.com, qui est une communauté donc de Blood Bowl sur la net. Tu mettras l'adresse sur le forum. Ouais, tout à fait. Donc voilà, moi pour Blood Bowl, j'en ai fini. Je ne peux une fois de plus que vous le conseiller. Il l'aura conseillé autant que j'ai conseillé FNL. Si après ça, les gens ne l'achètent pas... Et ne regardent pas FNL, il n'y a pas d'espoir. Je comprends pas. Au moins tester. C'est irrécupérable. Au moins tester. Oui, parce qu'on peut ne pas apprécier le jeu. Bien sûr. Vous pouvez être un gros abruti, il n'y en a rien. J'ai une correction à faire, je viens de me rappeler que NCA, j'y ai joué, mais sur ma PS3. Mm. Donc il n'y a pas de protection. À mon avis, il y a une protection territoriale sur... La 360. Mmh. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai voulu, j'avais regardé et puis... Ce qui est dommage parce que le... Zoné tout le temps. Bon, c'est un petit peu hors sujet, mais le college football est vraiment sympa à regarder à la TV. Mmh. Limite. Et puis faire tous les trick plays sur jeux vidéo, ça doit être sympa. Parce qu'en collège, les plays, c'est assez olé olé. Ouais, bah voilà, c'est... Limite, pour quelqu'un qui a jamais vu un match, je pense que le college football est limite plus intéressant. Ouais. Dû au fait que c'est plus... Les passes passent plus, les défenses sont moins fortes. Quoi. C'est clair. Il y a des grosses différences de niveau entre les bonnes équipes et les mauvaises équipes. Ouais. Donc il y a plus d'action dans un match de... Des courses plus spectaculaires, les quarterbacks qui courent beaucoup plus aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a un niveau spectacle et même niveau ambiance avec tous les orchestres de collège. Il y a beaucoup plus de monde dans les stades de college football que dans les stades de NFL. Ouais. Quand tu vois que certaines unis font des stades de 100 000 personnes. Ouais, c'est rempli, c'est toujours rempli. J'ai la même chose dans mon jardin. Peu de choses près. Et voilà. Les jeux vidéo, j'en ai fini aussi. Moi aussi. On va aborder maintenant la dernière partie. Celle où je vais pouvoir du m'endormir. Podcast. Parce que tu n'as jamais vu... T'as jamais vu, jamais lu ? Non. Kirby l'a vu, lui, donc on va... J'espère qu'il va sortir de sa léthargie. Et je suis pas léthargique, mais n'ayant jamais joué. Mais je suis, on va parler animé-manga. Passer au côté animé-manga. to block. Holloway looking. Holloway will run. Holloway at the 10. Holloway at the 5. Holloway dies. Back is Kelly. The score 22-17. The dive. Touchdown. Big Orange in the Superdome. Alors, dernière partie du podcast matinal. Voilà, 6h34, moi j'ai l'heure. Je vous proposerai après d'embrayer sur un autre podcast. Le BGS6. Je pense qu'on va enregistrer un petit podcast sur Hyrocorp. Non, ce serait bien pour le nom des images. Puis après, on fera. Ah, peut-être que je vois un épisode. Après, cette semaine, on fera un télécom non, pour remplacer ouais, tranquille. Numéro 1, tranquille. UBGS6 pour terminer la journée en beauté. Pourquoi pas. Donc, en début, je voulais parler de Eyeshield 21, qui est un manga japonais, forcément, qui a été pour pas mal de gens, je sais, un truc, enfin, le biais par lequel ils ont découvert le foot américain. Moi, ça m'a aidé, je veux dire, j'ai commencé vaguement à m'y intéresser, et le manga m'y a fait vraiment m'y intéresser. Et je sais que pas mal de personnes sont dans le même cas. Puisque c'est un biais assez simple, quoi. L'histoire est simple, l'histoire est attrayante, donc c'est assez. On a envie de savoir plus, quoi, sur la base, sur ce qu'il y a derrière cette série. Bref, donc c'est un manga japonais. Oui, on peut faire des mangas de son. Ouais, bah bon, voilà. Est-ce qu'un manga ne peut être autre chose que japonais ? Oui, ouais. Malheureusement. Okay. Bon, heureusement, j'expliquerai peut-être un jour pourquoi, mais il existe des mangas français. Mais il s'appelle manga, c'est pas un nom qui est réservé. Hein. Non, on va pas théoriser là-dessus aujourd'hui. Non. Je vous expliquerai peut-être en détail au prochain podcast. C'était par curiosité. Mais oui, par le manga autre que japonais. Bref. Donc, il a été édité au Japon en 2002 et 2009. Il y a 37 tomes, je pense. En francophonie, il y en a 34 édités par Glénat. 34 déjà, merde. Je me suis arrivé au 22-23, je pense, donc j'ai un peu de retard. Il y a aussi une anime qui est depuis quelques années. Je crois que c'est diffusé par Game One depuis. C'est possible, depuis quelques années. Je pense qu'en France, c'est diffusé par Game One. Donc le pitch. C'est l'histoire de Sena Kobayakawa, qui est un jeune homme, je ne sais plus, de 15-16 ans, un lycéen. C'est un ado qui est frêle et craintif, et qui, à force de jouer les larbins pour des ados plus forts que lui, a acquis une vitesse de course assez phénoménale, à force de courir à droite à gauche pour faire leurs petits caprices. Donc dès son arrivée au lycée, il est remarqué par le quarterback capitaine de l'équipe de foot américain du lycée, qui s'appelle les Diamond Devil Bats. Alors Sena accepte au début de faire partie de l'équipe seulement en tant que secrétaire, mais il va rapidement devenir Eyeshield 21, le mystérieux running back, incognito derrière sa visière teintée en verte. Qui constitue par sa rapidité l'arme secrète des Diamond Devil Bats. Peut-être expliquer comment il en vient à faire ça, c'est qu'un jour il est. Ouais, là je fais le pitch vite fait. Ah ouais. Vas-y. Non, vas-y. C'est parce qu'un jour, lors d'un match, mais le premier, je crois qu'il est assiste d'ailleurs en tant que secrétaire, il se retrouve brigadé sur le terrain. Une blessure, oui, je pense qu'il a refilé les mauvaises godasses à un équipier qui se blesse. Voilà, donc il n'a pas d'autre choix parce qu'il n'a pas assez de personnes dans ce lycée. Et pour ne pas révéler qu'on révèle son identité, il se cache, il pense à être honteux en fait, il pense avoir se taper la honte, on va dire. Ouais. Et il le cache en dessous d'un casque avec la visière trouble. Porte le numéro 21, et d'où son nom est Eyeshield 21. Et voilà, tout le coup fait, bah, il devient la star montante de l'équipe. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le Yoichi, enfin Hiruma, le quarterback qui lui a donné le surnom d'Eyeshield 21, Merde, j'ai raté mon début de phrase. Ceux qui ne savent pas, donc, c'est que... il y a un véritable Achille 21, en fait. Et le quarterback qui lui donne ce nom sait qu'il en existe un véritable. Donc, Senna au début ne le sait pas, mais il va l'apprendre, je ne sais plus à quel point de l'histoire, et il va évidemment tenter de surpasser, de prouver aux autres que voilà, il est au moins aussi bon que le véritable Achille 21 qui a joué en collège aux États-Unis, je pense, dans l'histoire. Donc, c'est un manga. Je ne sais plus le nom, comment on appelle ça, où le héros affronte des adversaires, enfin devient de plus en plus fort et affronte des adversaires de plus en plus forts. Bah tu veux un shonen, quoi, un shonen initiatique tu veux dire. Mmh, ouais. Ouais, mais ça, oui et non, parce que c'est un manga de sport, donc c'est pas nécessairement classé dans les shonen. C'est comme ça qu'ils le mettent sur Wiki. Shonen Wiki. Oui. Genre Neketsu. Ouais, c'est ça que j'avais vu, c'est mieux Neketsu. C'est comme ça. Voilà, Wikipédia. Ça peut aussi, c'est une histoire type shonen. Bah, il me semble que c'est. Shonen est une catégorie à part entière. Le sport en étant le également. Non, oui, si. C'est compliqué. Le shonen, oui, à la base, on va dire, c'est les mangas de garçons. Oui. C'est les histoires de garçons avec. Des aventuriers, enfin des héros généralement au départ assez faibles et qui n'ont l'air de rien et qui au fur et à mesure de l'histoire vont frotter les ennemis de plus en plus fort et vont. C'est un trou initiatique en fait. Voilà. C'est un peu ça. Donc, on va dire qu'en catégorie générale, ça peut entrer dans la catégorie shonen, l'histoire de l'homme. C'est un manga de sport en fait. Mmh. C'est une catégorie à part. Au début, il affronte des adversaires assez faibles, il est lui-même assez faible. Ah oui, tout à fait, je suis d'accord, mais je veux dire, les mangas de sport ont leur catégorie. Ouais, d'accord. En fait, c'est juste ça. Mais ça peut faire partie de la catégorie shonen. Et... Au fur et à mesure, il progresse, il affronte des adversaires qui progressent aussi, il suit des entraînements de fou, il découvre de nouvelles techniques. De super c'est le cas de le dire parce que ils ont poussé un camion sur la route 66. Mais ça c'est déjà assez avancé dans l'histoire, je pense. Ce que je voulais dire moi. Je ne sais plus. Oui d'ailleurs c'est un petit côté Olivier et Tom avec les gars qui courent pendant 30 minutes sur le terrain, ils n'en sont même pas à la moitié. Quand Senna fait une course spéciale, enfin sort sa technique spéciale, une de ses techniques spéciales, c'est assez aussi Chevalier du Zodiac avec le gros dragon dans son dos et lui qui porte la balle de foot américain. Là tu compares parce que c'est des mangas que tu connais, mais c'est manga tout court en fait. Oui, je sais, mais... C'est pas spécialement Chevalier du Zodiac, c'est pas spécialement les tomes, c'est... C'est d'office de... Oui, d'office tu vas trouver des similitudes parce que ça reste le côté manga. Oui, j'aurais dit Zodiac, ça m'est juste passé par le... Mais tu as la tête, mais Olivier Tom, mais... voilà, c'est parce que c'est un jeu. T'as raison, mais c'est tout autant Hajime no Ippo, c'est tout autant. Oui. Il me semble qu'Hajime no Ippo c'était un peu plus réaliste, quoi. Sans être réaliste, mais un peu plus. Oui, c'est plus poussé vers le réalisme, mais aussi des techniques. Gazelle Punch, tu verras ça chez aucun boxeur réel dans Jimmy Dolipo, c'est son coup. En tout cas, de l'histoire, son coup fétiche, c'est le Gazelle Punch. C'est pas vraiment. Il évite une gazelle en frappant. Ouais. Voilà. Et c'est un peu style. Désolé si vous l'avez dit, mais c'est quoi. C'est extrême comme Yvetan, bien c'est plus réaliste quand même. Non, c'est la même tape. Oh non, c'est aussi dans. C'est à la limite encore plus. C'est dans le délire, quoi. Ouais, faut plus, je sais pas, parce que je suis pas un grand fan de livre. Non, mais bon, ouais, c'est vraiment le même délire, quoi. C'est... Pas un grand fan, tu l'as regardé. Oui, mais bon, tout le monde l'a regardé. Mais lui, il a quand même réussi à se faire les 128 épisodes en une semaine. J'étais étudiant à l'époque, donc j'avais rien à foutre. Oui, désolé, je balance, mon monsieur. Ouais, je balance. Non, les casseroles, monsieur. Les casseroles. J'ai déjà fait l'intégrale de la Chine aussi. L'anime dérivé de... Oui, j'imagine. L'anime dérivé du manga est moins bien foutu. Je fais One Piece en deux semaines quand même. 314 épisodes à l'époque. Bref, Kirby, qu'est-ce que tu lui trouves, toi, ce... Oh, ça va, c'est... J'ai pas lu le manga. Uh-huh. Je ne serai pas critiqué, j'ai pas lu. Mais Il est meilleur. L'anime, sympa, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas partie de mes préférences, on va dire. Ah, moi non plus, quoi, c'est que, enfin, niveau animé. Ça peut être vite, là, c'est un peu trop dans l'excès, comme ça, un peu... Voilà, c'est sympathique, ça se laisse regarder, en fait. Mais s'il y a d'autres mangas de sport ou d'autres animés de sport que je peux conseiller, je m'orienterai directement vers Hajime no Ippo, par exemple. Pour moi, est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus prenant et intense aussi. Mais je trouve qu'Hajime 21 par moment manque un peu d'intensité, manque un peu de... Bah c'est trop tiré en longueur dans le voilà. Dans l'anime, je trouve. Ce qui fait qu'on parfois on décroche et quand on décroche c'est mauvais signe. Donc quand on anime comme Hajime no Ippo, on est tout le temps sous pression et d'un épisode à l'autre on ne se lasse pas, on n'arrive pas beaucoup à s'en détacher. Voilà, maintenant j'ai jamais lu le manga, peut-être sur moi, mais j'ai jamais pris la peine de... Voilà, et en trouver l'anime bon, mais pas révolutionnaire et pas bon sur toute sa durée, j'ai pas investi le manga. Par contre, il y a un autre truc qui je pense t'a plu et qui a plu à deux gens, je l'expliquais en début de sujet, c'est le fait que dans l'anime... On parle des règles, non? Ah oui, ok. Dans le manga, on en parle pas, en fait. Je, non, si, mais je pensais... Mais non, moins... c'est parce que je pensais que dans le manga, on en parlait, en fait. Je suis, mais... Je pense que si mes souvenirs sont bons, mais un peu moins... Ce qui a bien fait dans l'anime, c'est que... C'est vrai qu'en chaque... Quand c'est diffusé au Japon, il faut savoir qu'il y a chaque fois une coupure publicitaire au milieu. Et généralement, quand on regarde les animés, on télécharge en fansub, c'est le même. On voit au milieu de l'épisode toujours un petit... Je ne tombe plus sur le nom que ça porte. Bref, c'est deux petits écrans avec des personnages ou une petite image qui bouge ou avec le nom de la série. On le voit deux fois consécutif, puis l'épisode reprend. Donc ça veut dire qu'il y a eu une coupure pub entre les deux qui a été simplement coupée. Je ne tombe plus sur le nom de ces écrans, mais c'est un nom bien spécifique. Et là, dans les films 21, ce que je trouve pas mal, c'est que ces écrans entre les deux, donc pour sortir vers la publicité et revenir à l'épisode, je vais dire, ces écrans-là présentent en fait les règles du football américain. Chaque fois en rapport avec ce qui s'est passé dans l'épisode et explique un petit peu les règlements, les points à préciser, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi utiliser telle tactique. Ça c'est vrai que c'est pas mal fait parce qu'au bout du compte, celui qui a regardé tous les épisodes... C'est des règles assez simples, mais finalement tu... Il a, ben, celui qui a regardé tous les épisodes, ouais, il a déjà une bonne base pour démarrer, une très bonne base. Une fois qu'il regarde... quelques deux trois vrais matchs, il avait saisi, oui, voilà. Parce que ça reste un sport assez simple. Les gens pensent que c'est extrêmement complexe, mais surtout les tactiques qui sont complexes, mais les règles sont très simples à comprendre. Et ça, c'est le même principe que le poker Hold'em. Tu prends 2 minutes pour comprendre les règles. Et toute une vie pour le maîtriser. Ouais, c'est ça, oui, en gros. Mais il faut savoir quand même qu'il... Ils présentent pas seulement les règles, ils présentent aussi des tactiques qu'ils utilisent durant l'épisode, ils expliquent pourquoi ils utilisent certaines positions sur le terrain. Bon, c'est quand même assez poussé en fait, c'est pas mal fait. Poussé, ouais. J'irai pas jusque là, mais c'est répétitif, enfin, ça dure dans le temps à travers les épisodes, donc tu apprends finalement pas mal de choses. Quoi. Mais c'est assez simple, mais le fait qu'il y en ait beaucoup, ça t'apprend quand même pas mal de choses. C'est pas les premiers à l'avoir fait en matière d'animé. Ah, je ne dis pas que c'est le premier ou quoi, je disais que simplement que c'était un des bons points. Quoi. Et que c'est peut-être ça justement, en partie, qui a fait que pas mal de gens se sont intéressés au vrai sport par le biais de l'anime. Quoi. Donc finalement, moi je le conseillerais, mais toujours plus s'orienter vers le manga que vers l'anime. Puisque ça c'est une règle, ouais, c'est pas dire une règle générale, mais absolue, mais presque. C'est assez courant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Moi j'étais étonné parce que j'ai quand même fait une petite recherche avant pour voir s'il n'y avait pas d'autres animés qui traitaient de ce sujet-là. Et en fait, j'ai rien trouvé. Quoi, de foutu? Oui. Ouais, non, ça m'étonnerait qu'il y en ait plusieurs. Bah, on sait jamais. Généralement, il y a... C'est rare qu'il y ait au Japon un seul... Comment je veux dire, un seul manga sur ouais. Et un seul manga sur Atem, c'est rare. Généralement, ils sont plusieurs sur le créneau. Il y a... Ouais. Ça va peut-être venir, je sais pas, ou ça va peut-être, celui-là a peut-être été tellement populaire que... Parce qu'un simple exemple, c'est un dessin animé. L'animé, le petit chef, c'est un dessin animé, ça parle de cuisine. Mm-hmm. On ne s'attend pas à trouver énormément d'animés ou de mangas traitant de cuisine. Et là, actuellement, je sais citer trois animés et deux mangas. Mm. Donc, c'est... Mais ouais. C'est ça qui m'étonnait dans le fait que je n'ai rien trouvé sur le football américain. Maintenant, bon... j'ai pas la science incluse non plus dans le domaine, donc ça existe peut-être et que j'ai pas trouvé, mais j'étais étonné quand même. Quelque chose d'un peu plus sérieux qui pourrait peut-être être aussi plus sympathique pour son style, par exemple. Mmh. Voilà. Ouais, voilà, voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à en dire. Maintenant, c'est quelque chose... Bon, je sais bien que ça n'a pas toujours forcément à voir, mais si vous avez 40 ans, c'est peut-être pas le genre de truc qui vous... Ou si vous appelez Stetson. Qui vous bottera, quoi. Ou si vous appelez Stetson. Moi, je suis mais un peinard reste, qui râle tout le temps. Ouais, voilà. Ça reste très bien foutu. Je pense que si ça intéresse pas mal de gens à se pencher sur le sport en lui-même, c'est que ça doit avoir ses qualités. Donc, ouais, pour moi, ça reste quelque chose à conseiller. Oui, c'est toujours très bien pour s'initier, effectivement, pour découvrir peut-être un petit peu plus. Et voilà, ça fait peut-être... les gens qui n'ont peut-être pas au premier abord été tentés d'essayer, peut-être que là, ils se rendent compte en fait c'est quelque chose qui peut les intéresser. Ouais. Voilà, bon, je sais pas maintenant... vous avez quelque chose à ajouter, messieurs? J'en ai fini avec mes sujets, je ne sais pas si... Quelqu'un souhaite dire quelque chose? Non. Juste un petit truc. Pour ceux que ça intéresserait, je vais donner quelques adresses utiles sur le web. Très bonne idée. Hein. Parce qu'il y a des sites assez bien foutus où on peut trouver pas mal d'infos. Attends, j'ouvre mon bloc-notes. J'ouvre mon Google Reader. T'inquiète, tu vas devoir éditer, tu le réentendras. C'est pas grave, je fais semblant. De toute façon, il va aller poster sur le forum. Vas-y, chauffe. Vas-y, chauffe. En français, dans les... En français, c'est pour les péons, en anglais. Quoi? En français, c'est pour les péons, en anglais. Mais non, non, pas tous. Il y a latestnfl.com, qui est pas mal, surtout un site d'actu. C'est assez bien mis à jour, et c'est en français. Donc, les tests, le dernier, quoi. L-A-T-E-S-T-N-O. J'ai compris Let Us, donc vous ne le trouvez pas, je me demandais. D'accord, bon, bien. Ceux qui souhaitent soutenir le courant, c'est bien foutu. Sinon, il y a touchdownactu.com, surtout le forum qui est très actif. Et, enfin bon, il n'y a pas. Comment dire ? Il y a des discussions assez intéressantes. Il y a aussi des trucs moins comiques, parce que personnellement je trouve qu'il y a pas mal de gens qui postent pour ne rien dire, mais c'est tous les gros forums. En général c'est assez intéressant à lire. C'est tous les gros forums en fait. Oui, bah oui. Enfin moi j'y poste jamais, quoi. Je lis tout le temps, je lis quasiment tous les jours, mais je le... Hein? Un lurker. C'est quoi un lurker? Bah, c'est quelqu'un qui passe jamais. Bah, je sais pas. Comme Stetson sur notre forum en soi. Ouais, c'est ça quoi. Non, parce que je lis pas moi. Ah, tu dis même pas. Pareil. T'attaques, j'attaque. Sinon, il y a radiosa.com. Attends, je coupe son micro parce qu'il m'énerve. Radiosa, donc radio, puis ssa.com. Ça, c'est une bande quand même de passionnés qui font que des podcasts. Mais c'est pas eux qui arrivent sur France 2, là, non? Je me demande s'il n'y a pas un dormant qui a été. Il semble qu'il parlait de radio. C'est vrai qu'il y a des podcasts sur le... Ouais, ceux-là sont... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Excusez-moi, j'ai voulu regarder ton site et... Ah ouais, bah oui, c'est dès que tu rentres... Le son se lance de suite. Ouais, j'ai horreur des sites où le son se lance de suite. Mais bon, ça c'était un des personnes. D'autres sites? Oui, en français, mais déjà plus pour les connaisseurs. Enfin, pour les connaisseurs. C'est un mec... toujours francophone qui tient à ça. Mais il faut déjà connaître un peu plus la ligue, les joueurs et les équipes. Il s'appelle Verkane, enfin je pense que ça... Verchin ou Verkane. Verkane Inc. Donc V-E-R-C-H-A-I-N-I-N-C. blogspot.com qui fait en général une série de 2 ou 3 articles par semaine. C'est assez humoristique, mais c'est... le gars s'y connaît, il est bien renseigné, enfin, il connaît son sujet. Moi j'aime beaucoup. Il a posté un sujet sur le Super Bowl ici. J'aime beaucoup ce qu'il écrit. Il y a Horatio en photo dessus, donc ça me plaît déjà. Horatio ? Horatio. Mais c'est. Bon, la petite blague, je pense. Ça me plaît déjà. D'accord, j'en veux. Sinon, ouais, pour les adresses francophones, c'est à peu près tout ce que j'avais. Pour ce qui est des anglophones d'entre nous, il y a NFL.com, donc c'est un site officiel, c'est pas toujours. Souvent des trucs un peu longs de bois et pas toujours intéressants. Ouais, tout ce qui est la vidéo, interview, highlight, c'est là que ça se trouve. Pour les discussions un peu plus. Et les articles un peu plus fouillés, il y a Pro Football Talk. Donc profootballtalk.nbcsports.com. Et sur un ton un peu plus décalé aussi, un peu plus cynique, il y a coldhardfootballfacts.com. De toute façon, tu mettras. Ouais, tout ça, je mettrai. C'est plus simple parce que. Si les gens n'ont pas le temps de noter. Oui, il y a aussi, j'ai pas noté, mais il y a aussi le site d'ESPN. Pour toutes les news. Maintenant, ESPN, il y a à boire et à boire et à manger chez ESPN. ESPN général, ESPN. Parfois, je me dis que ESPN, j'écrirais bien moi-même les articles parce qu'il y en a qui ESPN.go.com. C'est possible. Ouais, possible. Ils ont plein de sites. Ouais, ils ont aussi dédié à la NFL. Sinon, dans un autre style, il y a un. Petit MMORPG auquel on joue. Ah oui, slash NFL, ça, excusez-moi, donc le reste que je donne, slash NFL pour le site spécialisé NFL. Ouais. Il y a le site F1, il y a disons tous les sports. Ouais. Un petit MMORPG auquel je joue depuis environ 2 ans, donc je commence à arrêter parce que ça me gonfle. Ça s'appelle goallineblitz.com où vous devez. C'est un genre d'attrick.com. Ouais. Attrick.com. Où vous pouvez créer des joueurs, les développer, leur attribuer des points en fonction, dans différentes caractéristiques de jeu en fonction de l'expérience qu'ils prennent et les faire évoluer le plus loin possible en sachant qu'un jour ils seront traités. Il y a aussi moyen de gérer une équipe entière, etc. Merci Carby de me déconcentrer. C'est assez prenant, mais. Le niveau général, enfin le. Le problème aussi, c'est pas le coup, mais. C'est payant aussi. Ouais, voilà. Bah, enfin, tu peux jouer sans payer. Mais... En payant, quoi. Hein ? Si tu payes beaucoup, tu vas être bien meilleur. Oui, j'ai déjà gagné des championnats en payant. Hein. Ouais, ça, je trouve que c'est problématique. Ouais. Depuis même, c'est. Y a pas de limite, non ? Est-ce que tu peux claquer ? Bah, tu peux booster tes joueurs, mais de 3 niveaux par saison maximum, donc tu peux pas vraiment. Okay. Un avantage décisif sur une autre personne qui fait la même chose. Ouais. Mais... C'est pas un illimité, genre quelqu'un peut claquer 500 euros par semaine. Par contre, tu peux avoir plein d'équipes et peut t'amuser ouais, à booster tout le monde. Mais il y a un côté tactique très développé. Il y a vraiment des mecs qui passent leur vie à faire ça. Mais, vu qu'on est sur ce jeu-là, j'ai oublié de parler d'un petit truc. On a oublié tous les deux de parler de fantasy. Oui, vas-y. Faire une petite note dessus, quoi. Et. On a oublié aussi de parler de la série The Geek que t'as pas vu mais qui est sur. Ah, c'est le moment de se rendre compte des oublis. Hein. Ah, c'est ça. Ouais, ouais. Terme, mais un petit mot rapide alors cette série. La série The Geek, c'est une série, une comédie qui est sur un groupe d'amis qui font une ligue de fantasy football ensemble. Et... Explique vite fait. Ouais, donc le fantasy football. Je vais bien expliquer ça d'abord. Alors le fantasy football, c'est. Ça suit un peu le même système que la NFL, donc on draft, on s'inscrit sur un site NFL et ESPN font des dernières de plein d'autres. Une équipe de, je crois que c'est 6 ou 8 joueurs en même quand même. Ouais. Et ça peut aller jusque 16, il me semble. Ouais. Et donc, on a une date de draft et alors tous les joueurs de la NFL sont disponibles, on les draft. Comme un draft réel, quoi. Ouais. Sauf qu'il y a moins d'équipes. Donc. Ouais, pour former une équipe. Pour former une équipe, et ensuite, ben, ton équipe a des match-up, et c'est en fonction de ce que fait le joueur réel. Dans son vrai match, quoi. Que ça va te donner des points en fantasy. Certains nombres de points par touchdown, par pariage, enfin, par mètre gagné, ouais. Etc. Et effectivement, ça prend une grosse ampleur, la fantasy, parce qu'il y a des gens, j'ai l'impression, qui s'intéressent plus à la fantasy qu'à la ligue en elle-même. Donc, ouais, qui regardent les matchs de ligue pour voir ce que les joueurs vont faire. Voilà, enfin, c'est ça. Il y a vraiment des passionnés qui font ça. Il y a même sur NFL.com, il y a un rédacteur, même plusieurs, qui sont uniquement dédiés à ça. Ouais. Qui s'occupent que de ça. Il y a des joueurs qui jouent. Enfin, c'est une série là-dessus, quoi. Là-dessus. Comédie assez adulte. C'était juste pour dire que c'est une bonne comédie. Ça tient la route. Ouais, c'est très sympa. C'est pas mal. Ok, je pense qu'on a abordé tout. Enfin, on a sûrement oublié plein de trucs, mais moi, il me semble qu'on a abordé quand même quelques trucs importants. Sur mon écran de portable, je vois 6h59. Il est 7h du mat, donc ça fait plus de 2 heures qu'on est là-dessus, non? Oh oui. Donc, ça a été plus long que prévu. On va penser à clôturer. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, messieurs. Non. Merde. Pour plagier certains monsieur chaud. Donc voilà, c'était un BGS hors série. On espère que ça n'a pas été trop chiant, qu'on ne s'est pas trop merdé. En même temps, le sujet est un peu particulier, l'horaire est un peu particulier aussi. Donc, je pense que c'est sympa et que les hors-séries seront un peu. Je pense qu'on s'est un peu rodé aussi. De toute façon, comme d'habitude, donnez-nous votre avis, comme ça on saura si ça vous plaît ou pas. Et si ça vous plaît, on reproduira l'expérience avec peut-être d'autres thèmes. Ouais. On n'a pas été très fort en détail sur le sujet. Ouais. Non, mais en même temps, il ne faut pas. Justement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir leur poser. Je pense qu'ils se feront une joie de vous répondre. Pas de soucis. On va ouvrir un topic sur le sujet. Le but était de faire une petite présentation. Une série sur le lien entre les geeks et. Enfin, les geeks, entre guillemets, et ce sport-là, quoi. Sur le sport. Sinon, je pense que ça ne m'aurait pas intéressé vraiment. Maintenant, quand ça parlait des tactiques. Ouais, c'est ça, quoi. Ça je pense que ça aurait vite été rébarbatif. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des gens plus spécialisés, on va dire. Voilà. Qui le font très bien. Donc voilà, en espérant que ça ait plu et que l'expérience pourra se retenter un peu plus tard. Sur ce, je pense qu'on va aller dormir. Voilà, on va vous laisser ici. De toute façon, on se retrouvera certainement à mon avis pour un prochain hors-série. Et pour le BGS numéro 6. Et pour le BGS numéro 6. Donc, ici au mois de mars. Voilà. Stetson, je vous dis bonsoir. Au revoir, monsieur Shaw. Merci Kirby. Pour cette modération de talent. De talent, merci. Monsieur Kirby, je vous dis au revoir. Merde. Kirby le léthargique. Sur ce, voilà, c'était le premier hors-série BGS. Merci, bonsoir, au revoir, messieurs, dames. Bonne soirée, messieurs, dames. Au revoir.